bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Voici deux mois, c'était le 15 septembre à 12h44. Cassini fondait sur Saturne et se désintégrait dans l'atmosphère de Saturne. C'est donc l'occasion de faire un bilan de cette mission, un premier bilan, un bilan provisoire, en tout cas sans oublier Huygens. Vous savez, Huygens, c'est ce petit atterrisseur qui était sur Cassini et qui est allé se poser sur Titan, l'une des lunes de Saturne. On peut dire que ces deux appareils ont vraiment franchi de nouveaux horizons. Si on prend Cassini, une mission qui a duré 20 ans, 13 ans en orbite, 293 orbites en tout. Et ce sont deux appareils qui ont vraiment levé le voile sur de nouveaux mondes. On pense bien sûr à Titan, qui était une boule opaque, très opaque, jusqu'à ce que Huygens pénètre son atmosphère. Encelade, dont on a découvert d'étonnants jets liquides. Et puis les anneaux de Saturne, on a révélé des détails étonnants sur ces anneaux. Alors, quelles découvertes Cassini et Huygens ont-ils permis de réaliser ? Quelle mission est-ce qu'on a envie d'imaginer maintenant, après Cassini et Huygens, pour retourner dans le système de Saturne ? On va donc en parler au cours de ce Mardi de l'espace qui est organisé, comme à chaque fois, par le CNES. Cassini, 13 ans en orbite, c'est donc le nom de ce Mardi de l'espace. On va en parler avec vous, je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Francis Rocard et Jean-Pierre Le Breton. Alors, Francis Rocard, moi, je suis responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. C'est à 200 mètres d'ici. Et donc, toutes ces missions sont en coopération. Aucune n'est française. Bon, ça, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et donc, on travaille entièrement en coopération. D'ailleurs, la première mission dont je me suis occupé vraiment de A à Z, c'est Cassini-Huygens. Et c'était en 90, au moment de la sélection de la charge utile. Voilà. Donc, ça, c'est mon travail. Bonsoir, je suis Jean-Pierre Le Breton. J'ai travaillé à l'Agence spatiale européenne en tant que responsable de Cassini, de Huygens, Cassini-Huygens. J'ai suivi un peu toute la vie de la mission. Alors pour moi, ça a commencé en 1984. Waouh. 1984, j'ai commencé à travailler sur cette mission en 1984 jusqu'en 2011. Alors j'ai pris ma retraite de l'ESA et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler, faire de la recherche dans deux laboratoires. L'un à Orléans, le laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace à Orléans, et le LESIA, l'observatoire de Paris, où je navigue un peu entre les deux laboratoires, mais je suis principalement en ce moment à Orléans. Vous avez été le responsable scientifique de c'est quoi, c'est la mission Huygens. J'ai été le responsable scientifique de l'étude. De l'étude, une mission en collaboration avec la NASA et puis les Italiens qui sont arrivés au début des années 90 comme troisième partenaire majeur. Et ensuite, j'ai été le responsable scientifique, puis le responsable global de la mission Huygens jusqu'en 2011, jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Alors Jean-Pierre Le Breton, vous m'avez dit, et puis Francis Rocard aussi bien sûr, mais vous m'avez dit, c'est une mission fabuleuse. Pourquoi c'est une mission fabuleuse ? On explore la plus belle planète du système solaire. La plus belle, de quel point de vue ? Saturne, c'est vraiment une belle planète. Les anneaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Esthétiquement, alors ? C'est esthétiquement, mais non seulement esthétiquement, aussi il y a une richesse. Avec Saturne, les lunes, les anneaux, et l'interaction entre les anneaux et les lunes, c'est quelque chose de fantastique. On l'a vraiment observé de très près avec Cassini. Et puis il y a Titan, une lune très spéciale, la plus grosse lune de Saturne, la seule lune qui ait une atmosphère épaisse, dans laquelle on a pu descendre en parachute très très lentement. Titan, c'est un monde fabuleux, vraiment fabuleux. Et j'aimerais bien y retourner. J'aime bien quand il dit « j'aimerais bien ». Ouais, on en reparlera, on aura le temps, bien sûr. Et Francis Rocard, mission fabuleuse, alors, vous confirmez ? Tout à fait. Il y a eu les Voyageurs qui ont survolé Saturne rapidement dans les années 80-81. Évidemment, il fallait y retourner. C'est pour ça que Jean-Pierre parle de 84, c'est juste après. Et donc, on est en une stratégie assez universelle. On commence par survoler pour découvrir. Et Voyager 2 a fait 4 planètes géantes d'un coup. Ensuite, il faut se mettre en orbite. Et alors les orbites de Saturne, c'est un peu de Cassini, c'est un peu compliqué, hein, vous verrez. Mais en plus, on fait aussi une étape, troisième étape, qui est l'in situ avec la sonde Huygens. Donc on a mixé les deux et on a eu une coopération souvent citée en exemple entre l'Europe et les États-Unis dans cette mission, qui est assez unique, qu'on essaye de refaire vivre dans d'autres contextes. On a un peu de mal, enfin on expliquera pourquoi. Mais c'était un excellent accord win-win, comme on dit en anglais. Win-win, d'accord. Gagnant-gagnant. Ouais. Par exemple, il y avait 2/3 d'Européens sur Huygens, 1/3 d'Américains et le symétrique sur Cassini. Donc les Européens étaient très présents sur Cassini aussi. D'accord. Vous avez parlé notamment de ces orbites compliquées qui ont été réalisées, 293 orbites en tout. C'est un Français qui est un petit peu à l'origine, si je puis dire, enfin qui a un petit peu coordonné le calcul, la mise en œuvre de ces orbites. Oui, Christophe Sautin. Non, pas le calcul. Il était. Alors Christophe Sautin est un scientifique qui a fait sa thèse à Orsay, qui est parti à Nantes et qui s'est fait embaucher par le JPL. Donc le Jet Propulsion Laboratory, qui est la mecque de l'exploration planétaire au monde, hein. C'est les gens qui ont fait le plus de choses, donc qui savent faire des choses extraordinaires, comme Cassini, comme Curiosity. Et j'essaie de chercher la photo. Et donc ce Christophe avait en charge au JPL les trajectoires, de c'est ça coordonner sur un plan scientifique. C'était un peu le Project Scientist des survols visitants. Jean-Pierre n'a pas expliqué ce que c'est son travail, mais il l'expliquera tout à l'heure. Et donc là, en planche 4, en haut à droite. La page 4 de ce leaflet, de ce petit document. Voilà, vous avez les 293 orbites. Alors, bon, la photo est un peu petite, mais j'ai d'abord parlé de Christophe. Donc Christophe, son rôle, c'était, il y allait y avoir un grand nombre de survols de Titan, c'était prévu. Et il fallait optimiser le retour scientifique. Or, il y a 12 instruments à bord de Cassini. Et donc, chacun veut évidemment utiliser toute la télémesure pour lui, toute la puissance pour lui. Et il faut répartir un petit peu les ressources, puissance, mémoire de masse, télémesure, pour faire en sorte que les survols soient optimisés. C'était ça son travail. Donc, il devait interagir avec tous les PI, les principaux investigateurs des instruments de Cassini. Le radar a été beaucoup utilisé, VIMS a été beaucoup utilisé, le spectro UV pour les espèces ionisées dans la haute atmosphère. Enfin, tous les instruments ont été utilisés et il fallait optimiser tout ce... Alors, il y a des séquences, hein. Cassini a eu une crise importante en 1994 où Cassini a failli disparaître, corps et bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise financière. Crise financière. La NASA a commencé à menacer l'abandon de Cassini. Jean-Pierre, tu confirmeras, mais... Roger Maurice Bonnet, directeur scientifique de l'ESA à l'époque, le CNES, j'ai préparé la lettre. Donc grâce à cette coopération, nous on était impliqués sur Cassini-Huygens, on avait chiffré à 100 millions de dollars de l'époque toute notre contribution. Donc on a fait une belle lettre au ministère du budget américain pour leur dire « Ah non, c'est une catastrophe, vous ne pouvez pas abandonner Cassini, on a investi 100 millions de dollars, etc. etc. » Et M. Bonnet a fait la même chose, il a fait en disant « Huygens, c'était combien, 400 millions d'euros ?» 500 millions donc, d'euros. Et donc ça a convaincu les Américains qu'ils ne pouvaient pas nous faire cette vacherie, hein, disons les choses clairement. Ils l'avaient fait avec Ulysse. Bon, il y a eu une histoire très douloureuse que M. Bonnet pourrait raconter. Mais là ils sont finalement... la crise a été de descoper Cassini, c'est-à-dire réduire les coûts. Et descoper a signifié supprimer toutes les plateformes de pointage. Donc tous les instruments étaient accrochés sur le corps du satellite, les caméras notamment. Et donc c'est tout le satellite qui oscillait au moment des survols pour faire un balayage de l'atmosphère. Donc c'est moins souple. On a perdu en souplesse. On a un peu perdu, mais le JPL est très très... ils sont très smart. Ils ont vraiment optimisé. Ce satellite a marché de façon extraordinaire. Et donc en faisant ces scans, utilisant un orbiteur qui fait 6 tonnes, on a réussi à tout sauver. Et ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Est-ce qu'on fait avec vous, Francis Rocard, quand même un petit zoom sur ces anneaux, par exemple, qui nous étonnent tellement Vu qu'on était sur la page des orbites, on va y rester 3 secondes. Alors, on reste sur la page 4, alors. La petite photo, parce qu'elle nous dit beaucoup de choses, cette petite photo. D'abord, il y a des couleurs. Bon, les couleurs signifient, même si la photo n'est pas très bonne, mais elle nous dit que c'est des types d'orbites différentes. Donc il y a celles qui sont dans le plan des anneaux, et puis ensuite on va vouloir regarder les pôles de Saturne, donc on a des orbites très inclinées. Mais si vous regardez bien, il y a des nœuds. Il y a des nœuds ? Il y a des nœuds. C'est-à-dire que beaucoup d'orbites passent par un même point. Et ce même point, c'est en général Titan, mais aussi Encélade. Donc on utilise, ça a été une grande première, puisque ça avait été jamais fait auparavant, on utilise le bras de levier des survols de Titan et d'Encélade pour changer d'orbite. Il n'y a pas deux orbites pareilles dans les 293. Elles sont toutes différentes. On utilise la gravitation de ces lunes. De ces lunes. Titan et Titan. Et comme elles sont lourdes, ouais. Titan. Une particularité des lunes de Saturne, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui est très lourde. Titan. Encélade est quand même beaucoup plus légère. À l'inverse de Jupiter, où il y a quatre grosses lunes. Et donc c'est surtout Titan qui est utilisé pour modifier les trajectoires. Et ça tombe bien, on aime beaucoup Titan, on veut l'étudier. Donc à chaque survol. Christophe Sautin faisait en sorte que la science soit la meilleure possible. On aime beaucoup Titan, Jean-Pierre Le Breton. Pourquoi on aime Titan tant que ça ? Alors, je vais quand même me permettre de revenir un peu sur l'historique de la mission, parce que je voudrais rendre un hommage à l'un de mes chers collaborateurs, collègues, Daniel Gauthier. Alors en fait, c'est Daniel Gauthier qui était impliqué de l'Observatoire de Paris, qui était impliqué dans la mission Voyager, et qui a fait une proposition de retour vers Titan au CNES. Et là, le CNES a vraiment loupé l'occasion de faire cette mission. Et le CNES, CNES l'aurait fait tout seul ? Le CNES, il a dit non, c'est pas possible. Une très belle mission, il faut aller la proposer à l'ESA. Mais initialement, cette mission a été proposée en 82, je crois, au CNES. Donc je voulais juste rappeler cette petite partie de l'histoire de la mission et aussi dire un grand bonjour à Daniel Gauthier qui malheureusement est assez malade en ce moment. Mais bon, c'est lui qui a été l'un des pères de la mission. Alors Titan. Titan. Ça nous intéresse tant, Titan C'est une lune qui a une atmosphère très dense, principalement composée d'azote, donc comme la Terre. Mais ce qui fait la particularité et l'intérêt de Titan, c'est que l'atmosphère contient du méthane, du gaz naturel. Et en fait, la quantité de gaz naturel dans l'atmosphère, à la surface et même à l'intérieur de Titan, représente des dizaines de fois toute la réserve de gaz naturel qui existe sur Terre. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on va explorer Titan, c'est vraiment parce que ce méthane... Et le point de départ d'une chimie organique complexe, très complexe. Et en fait, on a découvert avec Cassini que la chimie commençait, cette chimie complexe, se passait à très haute altitude, au-dessus de l'atmosphère, dans la très haute atmosphère de Titan. Et il y a donc des composés organiques complexes qui se forment, qui grossissent en quelque sorte, qui forment des aérosols, qui descendent dans l'atmosphère, qui se complexifient de plus en plus et qui se déposent à la surface. Donc la surface, elle est recouverte de matière organique qui se forme dans toute l'atmosphère de Titan. La matière organique. Ouais. Donc, la matière organique, c'est la matière qui compose les êtres vivants. Voilà. Alors, donc, ça signifie... On parle d'une chimie prébiotique pour Titan. C'est-à-dire que c'est-à-dire que finalement, sur Titan, serait à l'œuvre une chimie qui ressemble à celle qui a finalement donné naissance à la Terre. Voilà. Mais prébiotique avant la vie. Mais il faut faire très attention parce que c'est... on n'a pas, pour l'instant... D'ailleurs, on n'avait pas les instruments pour analyser toute la complexité de tous ces composés organiques. Donc on ne peut pas dire qu'on a découvert des éléments qui nous suggèrent qu'il y a de la vie sur Titan. Ah, et vous, parce que vous ne l'excluez pas. On ne l'exclut pas. Tu ne l'exclus pas, dit Francis Rocard. Je ne l'exclus pas. Francis l'exclut un peu, d'accord. Francis l'exclut un peu. Alors, sauf peut-être très profondément. Très profondément, voilà. Mais en surface, à moins de 100 degrés, non. En surface, ce n'est pas exclu. Alors, on va peut-être... ce n'est pas exclu pour deux raisons. Alors, l'une, c'est qu'il pourrait y avoir des formes de vie très différentes qui se nourrissent en quelque sorte des hydrocarbures et de l'hydrogène en particulier à la surface. Vous n'avez pas pensé à celle-là, Francis Rocard. Mais... Oui, excuse-moi, c'est très spéculatif c'est très ce que tu dis là. Hein. Mais on peut en parler si tu veux, oui. Mais il y a aussi, bon, la surface de Titan, c'est de la glace d'eau principalement, et il pourrait y avoir des poches d'eau liquide qui se forment s'il y a un gros impact. Et d'accord. Ça, c'est aussi des poches liquides souterraines, si je puis dire, ou sous-glaciaires. Non, en surface. En surface, d'accord. En surface. Et puis qui après, demeurerait liquide. Qui demeurerait liquide. Alors, il a été estimé que s'il y a des poches d'eau liquide qui se forment suite à un impact, ces poches d'eau liquide pourraient durer des milliers d'années. Des milliers d'années. Mais, c'est là que Francis voulait en venir, c'est qu'en effet, il y a un océan d'eau liquide sous la couche de glace. Alors, vous dites très qu'il y a, épaisse. Il y a, vous en êtes sûr? Très épaisse. Il y a, oui, on en est sûr. Ah, d'accord, d'accord. Donc, disons qu'il y a une détection indirecte de la présence de cette couche liquide. Et les modèles thermodynamiques, d'ailleurs, qui sont faits principalement par l'équipe de Christophe Sautin de Nantes, montrent qu'il y a un océan d'eau liquide de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur sous la croûte de glace de Titan. On peut même rajouter que c'est un Français qui est le premier, Christian Béguin, de d'Orléans, qui avec un instrument PWA issu de l'instrument ASI, a fait un modèle assez complexe concernant ce qu'on appelle les résonances de Schumann dans l'atmosphère de Titan. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est, sur Terre, c'est un petit peu le fait que quand il y a un éclair d'orage, toute l'atmosphère se comporte comme une zone de vibration, donc une centaine de kilomètres. Et M. Schumann a déterminé qu'il y avait un mode propre de vibration, très basse fréquence. Vous savez, quand vous êtes très loin d'un orage, vous entendez un grombrissement très très sourd. Bon, en fait, ça passe dans les infrasons. Alors, il n'y a pas du tonnerre. Il n'y a pas d'éclair sur Titan. Il n'y a pas d'éclair sur Titan. Je précise tout de suite. D'accord. Il n'y a pas d'éclair sous Titan. La source d'excitation, c'est la magnétosphère de Saturne. Et c'est les flux d'ions et d'électrons qui excitent par le haut cette atmosphère. Et en fait, le PWA, qui veut dire Plasma Wave Analyzer, qui est un senseur d'ondes électriques, d'ondes radio, il a mis en évidence une résonance de Schumann. C'est-à-dire qu'il a mesuré une fréquence. Et en fait, le problème, c'est que pour avoir cette fréquence, il faut un conducteur électrique. Au sol. Et c'est là où ça devient indirect, mais c'est tout à fait intéressant, c'est que ce conducteur électrique ne peut être qu'une nappe d'eau liquide sous la croûte de glace. Ne peut être qu'une nappe d'eau liquide sous la croûte de glace. Oui, parce que le méthane et l'éthane, c'est pas bon. C'est pas un conducteur. C'est pas conducteur. C'est des liquides qui sont pas ioniques, donc pas conducteurs. Et alors c'est assez indirect, c'est la première fois je crois que ça a été proposé, et depuis ça a été confirmé par les modèles donc des gens de Nantes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement toutes les lunes glacées ont ou ont eu un océan liquide sous la glace. Ça fait partie de leur évolution normale. Le plus souvent, ça gèle. Prenez Charon, vous avez des Charon, c'est un satellite de Pluton. De Pluton, ouais. Vous regardez Charon, il y a une énorme faille. En fait, on pense que cette faille est due au gel de l'océan liquide de Charon. Alors, voilà, on a juste levé un tout petit peu le voile sur Saturne, le système de Saturne, Cassini-Huygens. Vous avez vu que vous avez un petit livret. Il y a plein de choses encore à dire sur énormément de choses. Mais l'idée des Mardis de l'espace, c'est que c'est vous, beaucoup, qui avez la parole. Donc, vous levez la main, je viens vous voir, je vous passe le micro et vous discutez directement avec Jean-Pierre Le Breton et Francis Rocard. Bonsoir, merci. Vous avez dit que c'était plus difficile aujourd'hui de refaire des partenariats comme ça avec la NASA. Vous savez pourquoi exactement et qu'est-ce qui pourrait nous aider à refaire des missions géniales comme celle-ci? Alors, la raison vient de ce que, actuellement par exemple, les Américains travaillent sur une mission... qu'on appelle New Frontier, c'est les missions de classe moyenne, $1 milliard tous les 5 ans. Et ils sont en train de présélectionner la première mission, enfin, un couple de 3 probablement missions. On attend la présélection ce mois-ci. Bon. Date de tir, 2025. L'ESA fait la même chose, une mission dite M5. On va présélectionner la mission bientôt. Date de tir, 2030. Ben là, je crois que tout est dit. Quand les Américains travaillent sur un calendrier 2025 et l'Europe sur un calendrier 2030, on ne peut pas s'entendre. On n'est pas sur les mêmes plates-bandes. Donc ça ne marche pas. Et ça veut dire que l'Europe ne va pas assez vite ou que les Américains vont trop vite. Mais c'est un vrai problème pour faire des coopérations sérieuses avec les Américains. À l'époque de Huygens, on n'était pas dans un schéma aussi drastique. Mais cet écart de 5 ans est... D'ailleurs, il y a plusieurs propositions qui prévoient ou qui prévoyait des coopérations avec la NASA, l'ESA a dit, moi, 2025, je ne peux rien faire. Donc, voilà, ça tue tout de suite la proposition. Jean-Pierre Le Breton. Il ne faut pas être trop pessimiste, quand même. Je pense qu'il y a... Bon, pour retourner vers Titan, ça sera difficile, mais on va... il y a quand même une étude actuellement conjointe entre l'Europe et les États-Unis, entre l'ESA et la NASA, pour aller au-delà de Saturne, Uranus, Neptune. Et peut-être que si les communautés scientifiques se mettent ensemble, comme les communautés scientifiques se sont mises ensemble pour Saturne, pour Cassini-Huygens, pour Titan, peut-être que là, il y a un espoir de refaire une telle mission en collaboration internationale. Oui, parce que dans l'exemple que tu cites, qui est Uranus ou Neptune, les Américains sont dans un calendrier 2030. Voilà. Et là, ça colle. D'ailleurs, il y a une proposition qui s'appelle Saturn Probe, qui est faite par un Français. Et moi, je lui ai dit, écoute, ta chance, c'est peut-être que l'ESA sélectionne ta proposition, non pas pour aller vers Saturne, mais pour la transposer sur Uranus. Et là, ça tient. On verra. Ouais. Pour l'instant, on attend de savoir ce que l'ESA va décider. Mais c'est vrai qu'il y a, pour la collaboration, cette excellente collaboration sur Saturne, Cassini-Huygens, Titan, il y a eu une conjonction d'éléments favorables qui a fait que la collaboration a très bien marché. On a essayé la même chose, si tu te souviens, pour Jupiter. EGSM, JUICE, et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? La collaboration n'a pas pu se mettre en place. Les Américains, lors de l'étude, se sont retirés. On dit non, nous, on ne peut pas aller avec les Européens. Les Européens ont continué. C'est la mission JUICE. Et les Américains, deux années plus tard, ils ont dit finalement, si, on va faire notre propre mission vers Europe. Mais le concept initial de mission, qui était une mission conjointe ESA-NASA, n'a pas pu se matérialiser. Oui, je ferai tout petit bémol à ce que tu viens de dire. Ce n'était pas une mission conjointe, c'est une mission coordonnée. C'était une mission coordonnée. C'était encore plus facile. C'était un orbiteur de Ganymède pour l'Europe, un orbiteur d'Europa pour les Américains. Bon, finalement, ça se fait sous une forme que tu viens de décrire. Mais la coordination va se faire. Mais finalement, chacun part un peu de son côté. Mais on va coordonner au niveau des science teams, c'est-à-dire des équipes scientifiques des deux missions vont essayer d'optimiser les retours de Ganymède et d'Europe. Mais ça ne sera pas la collaboration qui a existé sur Cassini-Huygens. D'autres interventions ? Je viens jusqu'à vous. On papote, et ben voilà. Bonsoir. J'aimerais savoir à quoi est due la forme hexagonale des pôles de Saturne ? On ne sait pas. Alors on peut aller page 6, c'est ça ? Oui, page 6. Oui. Alors allez voir page 6. Attends, j'ai une petite seconde. Page 6, vous voyez en bas à droite. Page 5, au pôle Nord. Page 6, oui. Voilà, page 6, on voit. Alors ce sont des fausses couleurs. Mais vous voyez effectivement cette forme de violette. C'est un hexagone. Étonnant. Et pour l'instant, il n'y a pas d'explication, de vraie explication pour donner une explication physique à ce phénomène. Des hypothèses. Il est inexpliqué pour l'instant. Ouais. Alors, ce qui est très mystérieux, c'est que ça existe au pôle Nord, mais pas au pôle Sud. Ah, ouais. Ça, c'est... Alors là, il n'y a pas d'explication du tout. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est que si on regarde Vénus a un vortex double. Un vortex, ça veut dire un tourbillon. Un double tourbillon, un S. C'est ça. Un double tourbillon. Ah oui. Là, vous avez un vortex puissance 6. Bon, alors, pourquoi ? Ça, on n'a pas d'explication, mais la modélisation, c'est celle-là. C'est-à-dire que, pour des raisons qu'on ne comprend pas, il se produit non pas un vortex simple, mais un vortex modulo 6, et au pôle Nord et pas au pôle Sud. Ouais. Et cet hexagone, il était connu avant Cassini ? Il était déjà connu par les observations Voyager, oui. Ouais. Ah, déjà par Voyager, d'accord. Ouais. Il fait à peu près 13 000 km de côté. 13 000 km de côté, d'accord. Ouais, on met 4 Terres, je crois. Ah. Bonsoir, je voulais vous revenir un peu sur Titan, je vais en profiter, parce que je vois sur le dernier slide du petit leaflet là qu'on a, on a le retour sur Titan. Il y a deux propositions, une de l'ESA et celle de la NASA. Jusqu'à présent, moi j'avais entendu parler qu'on voulait envoyer un sort de, on va dire un peu de sous-marin pour explorer les mers qu'on pouvait trouver sur Titan. Et là, visiblement, selon l'ESA, on s'oriente plus avec, on va dire, une base flottante, plus un ballon et je pense à un orbiteur. Et sur la NASA, j'arrive pas trop à saisir, est-ce que vous pourriez nous les expliquer Juste un petit mot avant de vous passer la parole. Sur cette planche, vous avez trois projets. Certains ont déjà été abandonnés. C'est juste pour donner des idées de la variété et puis de la créativité, je dirais, des scientifiques. On a en fait trois projets. Donc effectivement, ce ballon et cette petite base navale. En bas à droite, on a des petits drones. Et au-dessus, c'est un orbiteur qui s'appelle Oceanus. Donc à droite, ce sont vraiment deux projets différents. Mais des projets, il y en a énormément. Il y en a presque une dizaine. Hein. Jean-Pierre Le Breton, des idées. Il y en a à foison. Il y en a une dizaine. Revenir sur Titan. Alors, juste un petit mot sur l'image de gauche. En fait, c'était un projet à trois éléments, un flotteur, un radeau, une montgolfière, un ballon à air chaud, qui d'ailleurs devait être étudié par le CNES. A été étudié par le CNES, et un orbiteur. Mais ça, c'était une mission très ambitieuse. Et cette mission, qui était d'ailleurs en compétition avec la mission vers Jupiter, n'était technologiquement pas prête. Et donc, elle a été abandonnée. Trop ambitieuse. Mais je pense qu'un jour, il y aura un ballon, une montgolfière qui flottera ou qui flotteront au gré des vents de Titan et qui feront le tour de Titan en 80 jours. Pourquoi pas ? Alors, moi, je dirais les choses un peu différemment. Ce qui s'est passé, c'est que l'Agence spatiale européenne n'a aucune compétence dans les ballons. C'est vrai. Donc, au moins, c'est clair. Oui, non, mais l'Agence spatiale européenne ne fait pas de ballons, c'est tout. C'est alors que le CNES... Nous, en Europe, avec un peu les Suédois, on est à peu près les seuls à faire des ballons stratosphériques, etc. Et les Américains. Il y a d'autres pays, mais contentons-nous de ces deux-là. Et donc, quand l'Agence spatiale européenne a évalué cette proposition, elle était très embêtée parce que ses experts disaient « Nous, les ballons, c'est pas nous, c'est le CNES ». Donc, ils étaient vraiment très gênés. Et donc, ils ont estimé qu'il y avait des risques, y compris des risques de déléguer au CNES la responsabilité du ballon, ce qui représente un risque externe, comme on dit. Et donc, ça s'est mal passé. Et finalement, c'est Juice qui est... Il y avait une compétition entre les deux, et c'est Juice qui a été retenu. Juice, c'est la mission vers Jupiter. La mission vers Jupiter. L'autre point, je suis... à chaque fois qu'il y a des ballons, ça se passe mal. Ah. Je note ça. Hein. C'est-à-dire que je peux vous citer trois exemples, dont celui qui est là. Mais le premier ballon qui a jamais volé dans l'histoire, c'est un ballon qui a été étudié par le CNES, qui était dans le cadre d'une mission qui s'appelait pas encore Vega, en 86, Vénus-Galley, Vénus survole la comète de Halley. Il y avait un module qui allait avec un ballon dans l'atmosphère de Vénus, et ensuite on allait survoler la comète de Halley. Le CNES avait fait un beau ballon. Oui. On a des photos de ce ballon, ici il est métallique, il est tout ce qu'on veut. Et puis les Russes ont dit, écoutez, vous allez rire, mais on va changer la mission, on va la doubler. Et on va aller voir la comète de Halley. Et là, notre directeur général, qui s'appelait M. Dallest à l'époque, a dit, c'est quoi cette histoire ? Non, on ne change pas les choses comme ça. Le CNES n'ira pas. Et donc, l'histoire... Beaucoup de gens pensent que c'est le ballon du CNES qui a volé dans Vénus. Alors là, je fais souvent les sondages. Ils sont convaincus que c'est notre ballon. En fait, les Russes avaient un petit ballon de leur côté, qu'ils ont sorti comme ça par tel un magicien de leur manche. Et c'est ce petit ballon qui a volé dans l'atmosphère de Vénus, dont le retour scientifique... Avec quel succès ? Succès, mais la question... Oui, succès, c'est-à-dire le ballon a volé. Okay. Mais quel retour scientifique ? J'allais dire médiocre. Heureusement que le Deep Space Network, les grandes antennes américaines, ont capté le signal du ballon et ont fait de l'effet Doppler, c'est-à-dire ont mesuré la vitesse... du ballon, la façon dont ce ballon tournait autour de Vénus, et on a pu comme ça caractériser la rotation de l'hyper-rotation de l'atmosphère de Vénus avec ce ballon qui a duré à peu près une semaine. Ah, quand même. Oui, mais c'est tout, à peu près tout. Alors, les ballons, c'est un petit peu calamiteux, parce que nous, on a étudié pendant 5 ans un ballon martien, dans le cadre d'une mission russe. Et alors, d'une part, les Russes nous ont un peu lâchés en race campagne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mission pour le ballon. Et d'autre part, on n'a jamais réussi à déployer notre ballon parce que Archimède est extrêmement peu favorable sur Mars. Archimède, vous savez, c'est la pression, poids du volume du fluide déplacé. Or, le fluide martien, qui est l'atmosphère de Mars, est très, très ténu. Très peu d'atmosphère. C'est l'équivalent d'atmosphère à 40 km d'altitude, là où Baumgartner a sauté. Il n'y a pas grand-chose. Il faut un masque à gaz, il faut une combinaison. Donc, pour faire voler une nacelle qui faisait 10 kilos, ou 13 kilos, il fallait un ballon qui était grand comme un immeuble. Comme un immeuble, 7 étages. Wow. Avec une épaisseur, ce qu'on appelle la peau de ballon, qui faisait 2 fois 6 microns. Alors pourquoi 2 fois 6 microns? Parce que 6 microns, c'est le plastique qu'on utilisait. Mais comme vous ne pouvez pas garantir qu'il ne va pas y avoir des fuites, vous collez 2 feuilles l'une sur l'autre et statistiquement, les trous ne sont pas l'un en face de l'autre. C'est comme ça qu'on bouche les trous. D'accord. Bon, ça fait 12 microns, ce n'est pas beaucoup. Et c'est l'horreur de le déployer quand vous arrivez par le haut, à grande vitesse, dans l'atmosphère, etc. On a fait plusieurs tests et ça s'est déchiré. Parce qu'il faut le déployer déchiré. Au moment où on entre dans l'atmosphère. Oui, parce que l'idée de déployer l'équivalent d'un immeuble depuis la surface, avec un ballon qui, s'y touche la surface, se déchire, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, d'accord. Voilà. Donc, alors, il y a beaucoup d'idées de... Oui, alors, justement, pour aller sur Titan, là, Titan, des drones... Une dizaine. Il y a un sous-marin, effectivement, dizaine, dit monsieur. Un sous-marin, il y a eu une dizaine d'idées de soumises. Alors, un sous-marin, un avion, donc des ballons, ballons sous pression, ballons à air chaud... Il y a actuellement 2 missions qui sont en cours d'évaluation. 2 missions qui sont en cours d'évaluation par la NASA dans le cadre du programme New Frontiers que Francis évoquait. Et la sélection sera annoncée dans quelques semaines. Donc l'une des missions, c'est Oceanus, donc un orbiteur de Titan. En haut à droite, oui. On le voit à droite. Et l'autre mission, c'est en bas à droite, c'est un gros drone, Dragonfly. Donc un drone qui se poserait à la surface de Titan, qui prélèverait un échantillon, qui repartirait ailleurs. Et pendant son vol, il analyserait l'échantillon qui était pris de la surface, éventuellement atterrir ou se poser ou survoler les lacs, les grands lacs de méthane et les mers de méthane, pour prendre un échantillon, l'analyser. Donc Dragonfly et Oceanus, ce sont les 2 missions actuellement en cours d'évaluation à la NASA. Et je parlerai après de 2 autres missions, vers Encelade cette fois-ci. Ah, vers Encelade, on verra ça après. Alors, un commentaire sur cette idée-là. On a étudié, comme tu l'as dit, un ballon avec le JPL, qui est une montgolfière avec un chauffage par des sources nucléaires, enfin peu importe. Le problème, c'est quoi? Demandez à un ballonnier. Le ballonnier, il vous dit, faut décoller. Qu'est-ce qui l'angoisse, le ballonnier? C'est l'atterrissage. L'atterrissage. Entre les deux, il vole, il est content, il est ravi. Là, les scientifiques, ils veulent faire quoi? Ils veulent voler, se poser. Et ils veulent récupérer des échantillons au sol. Le tout à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Aïe. Effroyablement complexe. Comment on fait? On a une pelle, on a un truc. Et puis, dès que vous vous posez, si ça se pose trop vite, la nacelle touche, elle se casse. Enfin bon. Et donc, c'est typiquement une fausse bonne idée. Et le deuxième argument que je mettrai en avant, c'est que, tu ne l'as pas dit encore, mais j'espère que tu ne vas pas me contredire, c'est que Huygens a très bien marché, sauf qu'il y a une déception. La déception, c'est ACPGCMS, qui n'a pas pu ou réussi, je ne sais pas ce qu'il faut dire, tu me diras ce que tu en penses, mesurer les composés organiques complexes résultant de des réactions N2 plus CH4 plus UV dans la haute atmosphère, fabrique des aérosols et donc des choses complexes. On a rien eu. On avait un instrument pour analyser ces molécules organiques complexes dont parlait Jean-Pierre Le Breton et on n'a pas pu vraiment les analyser. On les a fait heureusement grâce à l'INS, voilà, qui est un instrument de l'orbiteur Cassini. Tu es un peu dur. Hein. Je suis franc. Je suis franc. Quel est l'objectif? Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des radeaux. Bien sûr. L'objectif, c'est pas tellement d'aller dans l'atmosphère. L'objectif, c'est d'aller au sol. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de mesurer la composition de ce matériau organique complexe. C'est ça qui est intéressant. C'est ça l'objectif numéro un. C'est pour ça que les scientifiques veulent un ballon qui se pose. Mais là, ça devient compliqué. Oui, alors, bon, ce que dit Francis, c'est que le GCMS, gaz chromatographe mass spectrometer, qui était couplé à l'ACP, collecteur d'aérosols et pyrolyseur, n'a pas donné le résultat escompté parce qu'en fait, les molécules lourdes, il n'était pas prévu d'analyser des molécules lourdes avec ces instruments. Donc c'est... Francis Rocard, s'il y a un débat, il faut qu'on vous entende tous les deux. Non, l'analyseur GCMS n'allait qu'à la masse 100. N'allait qu'à la masse 100. On s'est arrêté très bas. On était limité par la masse. On était limité par la masse. Non. Si. Non. Il n'y avait rien. Je ne crois pas qu'ici, on va réussir à vous départager. La quantité de matière à analyser était trop faible, c'est vrai. D'ailleurs, la publication a mis 5 ans à sortir, souviens-toi. Ce qui n'est pas bon signe. Ils n'avaient pas de signal, donc ils essayaient pas de triturer signal, c'est vrai. Parce que Titan s'est révélé un peu très différent de ce qu'on escomptait. Alors là, je vais en profiter, puisque tu me donnes cette occasion. D'ailleurs, avant que tu dises ça, c'est le même problème sur la comète, hein. on a le même problème. Oui. La comète. La comète Curie. Churyumov-Gerasimenko, oui. On a raté les grosses molécules. Ah, on a les raté a pas. Les grosses molécules, encore une fois, d'accord. Et donc, il faut développer les nouveaux instruments qui permettront justement d'analyser ces grosses molécules complexes. Et c'est un sujet sur lequel on travaille, avec d'ailleurs le soutien du CNES. Merci, Francis. Je vous passe le micro, monsieur. Moi, j'ai deux choses qui n'ont pas vraiment de rapport entre elles. La première, c'est à propos de la fois où il a fallu, enfin, le changement qu'il a fallu faire pour en ne pouvant pas pointer chaque instrument séparément. D'une part, ça me rappelle quelque chose qui, me semble, s'était déjà produit involontairement à l'époque de Voyageurs, puisque je crois que Braik racontait que on avait été obligé de faire pivoter la sonde au lieu de faire pivoter la caméra, parce que ça s'était coincé. Et du coup, là, je me disais que ça devait être plus simple au point de vue conception, au détriment de la programmation après, puisque ça voulait dire que chaque instrument ne peut fonctionner que par intermittence, en laissant son tour aux autres. Donc je suppose que ça a dû ralentir et compliquer l'organisation des recherches. La deuxième question qui n'a aucun rapport, c'est à propos de ballons, là justement. Je m'interrogeais sur... alors déjà, un ballon sur Mars, effectivement, ça me paraissait assez curieux. Là, un ballon sur... c'était sur Titan, là, le projet. Et si on a une montgolfière, il faut la chauffer. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Et je suis étonné qu'il n'ait pas envisagé un projet de ce qu'on appelait une rosière à l'époque lointaine des premiers ballons, c'est-à-dire un combiné ballon à gaz et ballon à air chaud, de façon à ce que l'essentiel du poids soit porté par la partie gaz et qu'on n'ait pas à le chauffer, et qu'il y ait juste une petite partie qui serait avec en chauffant le contenu, mais du coup, comme ça serait sur une part très faible, la quantité de chaleur serait minimisée d'un grand facteur. Oui, mais ça, bon, c'est votre concept, il est utilisé sur des ballons terrestres. Je ne sais pas si Jean-Louis Etienne n'a pas utilisé un système comme ça, c'est-à-dire vous mélangez hélium et air chaud. La conséquence, c'est la complexité, c'est-à-dire que vous avez un système qui est plus complexe à gonfler, plus complexe à faire vivre. Voilà, c'est tout. Alors qu'une montgolfière, à partir du moment où elle est remplie, si vous avez une source chaude, en l'occurrence c'était un RTG, hein, la source chaude. RTG, ça veut dire c'est radioisotopique thermoélectronique générateur, c'est ce qui alimente Voyager depuis 40 ans. Donc ça fait de l'électricité, mais ça produit beaucoup de chaleur. Donc c'est une pile radioactive, hein, c'est radioactif, c'est ça produit pile, de la chaleur. On utilise pile. La chaleur de la radioactivité. Voilà. Et en fait, ça c'est encore une fausse bonne idée. Enfin, c'est une fausse bonne idée. Ah. C'est une bonne idée au départ, puis à la fin, ça s'appelle « waouh, c'est compliqué ». Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut arriver à rentrer le RTG mécaniquement dans le ballon avant même que l'ensemble se soit posé sur la surface du Titan. C'est toujours la même histoire. Donc il faut que le ballon... encore une fois, une peau de ballon qui touche la surface se déchire. Ah oui, oui. Donc il faut éviter à tout prix le contact. Donc il faut gonfler pendant qu'on est en train de plonger. Pendant que de vous descendez, plonger, il faut tout faire. Non, c'est un peu compliqué. Non, non, mais pour tous les ballons, c'est pareil. D'accord. Sur Vénus, sur Mars, vous gonflez en arrivant. Ouais. Alors il y avait la question du pointage. Ça a dû compliquer les opérations. Alors l'idée, c'est que un instrument ne pouvait fonctionner qu'à la fois, c'est ça, Cassini? Bon, la réponse était le temps partagé. Ouais. Le temps partagé, donc chaque équipe responsable d'un instrument devait plaider pour avoir 50%, 10%, 20% du temps d'observation. Et cet instrument devenait l'instrument qui conduisait en quelque sorte, qui pilotait la manœuvre. Un instrument à la fois. Un alors. Instrument à la fois. Ah, d'accord. Les instruments optiques, les caméras, les spectromètres pouvaient travailler ensemble. Mais le radar, par exemple, ne pouvait travailler que seul. Alors en fait, l'analyseur chimique INMS, qui a fait ses merveilleuses découvertes dans la haute atmosphère, était orienté de telle sorte qu'il pouvait travailler également pendant que le radar observait Titan. Mais la réponse était le temps partagé. Et il y a eu de nombreuses discussions, parfois très difficiles, mais toujours très cordiales, je dois dire, entre les différents responsables d'instruments. Et petit à petit, on a réussi à construire ce timeline, en quelque sorte, sur 13 ans, pour que chacun des instruments... Alors, on avait l'habitude de dire tout le monde ne pouvait pas être content, mais ils étaient tous mécontents au même niveau. Donc, c'était mal. Une façon de... de mettre tout le monde... De satisfaire tout le monde. Personne n'était jaloux, du coup. Personne n'était jaloux, et ça s'est très, très bien passé. D'accord. Après, c'était des survols. Donc, on arrivait de loin et on repartait aussi loin. Donc, il y avait tout le temps d'approche qui pouvait être utilisé, notamment par le spectre UV, par VIMS qui faisait des mesures globales. INMS, lui, fonctionnait au plus près, puisqu'il c'est in situ, hein, INMS, ça prélève directement les molécules. Voilà, donc il y avait un partage qui se passait assez bien. D'accord. Une intervention. Il y avait monsieur d'abord, je vous en prie. Je reviens au lac, le fameux lac de Titan, qui font d'ailleurs des côtes extraordinaires quand on voit ça. Si on était devant ces lacs, que verrions-nous exactement ? Est-ce que c'est un liquide transparent ? Est-ce que ça fait penser à de l'eau ? Ou est-ce que c'est autre chose ? C'est du méthane, Jean-Pierre Le Breton ? C'est des lacs de méthane sur Titan ? C'est des lacs de méthane avec un peu de méthane, d'éthane et peut-être un peu d'azote dissous. Mais c'est relativement transparent. Je pense que dans le visible, ces lacs sont transparents. Mais ils sont quand même aussi un peu chargés en matière organique. Voilà. Tous ces aérosols qui tombent du ciel se dissolvent aussi et forment peut-être une couche plus ou moins opaque au-dessus des mers. Mais le liquide principal, le mélange de méthane et d'éthane à moins 180 degrés, c'est un liquide plus ou moins transparent. Il n'y a pas de vagues essentiellement. Et notamment, il y a une, je crois que c'est une postdoc allemande qui a eu cette idée géniale, de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire pile-poil la photo au moment où il y a un reflet du soleil sur un lac ? Et vous connaissez cette image, elle est fabuleuse. On voit un point lumineux sur Titan, c'est le reflet du soleil sur le lac. Alors ça dit plusieurs choses, ça dit d'abord que cette postdoc, elle était géniale, ça dit aussi que le lac est probablement... pas trop recouvert de poussière. Il réfléchit déjà la lumière, oui, c'est ça. Et en plus, l'image est très nette, donc il n'y a pas de vagues. Ah. Et il n'y a pas de vent sur Titan. Mmh. Voilà, donc ça dit beaucoup de choses, mais il y a probablement très peu de vagues sur les lacs. Il y a très peu de vagues, mais c'est quand même un petit mystère, parce qu'il devrait y avoir, avec les vents, surtout à une certaine saison, les vents étaient relativement forts au-dessus des lacs, et il n'y a pas de vagues. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien expliqué. Alors, est-ce qu'il y a de la viscosité au niveau du liquide à la surface qui fait que le liquide reste plat ? Mais c'est un mystère. Hein. Ça me ferait penser un peu à quand vous avez une nappe de pétrole, vous avez beau avoir du vent, ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Un peu similaire, les lacs de Titan. C'est plus visqueux que l'eau. Ah oui, donc ça peut-être... C'est très froid, hein. Moins de 100 degrés, c'est visqueux. Il y a des dunes, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, mais il y a les dunes qui sont formées à cause des vents. Donc, il y a quand même un système de vent, oui, bien sûr. C'est des dunes de matière organique, oui. Bonsoir. Donc, moi, j'aimerais savoir... Donc, il a été décidé de faire crasher la sonde sur Saturne. Vous avez expliqué au début de la conférence qu'il y avait des grosses contraintes de poids. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait faire des sondes qui pourraient se poser sur Saturne ? Ou est-ce que, par exemple, comme dans l'enfer vénusien, avec le vent, la poussière, etc., c'est quelque chose qui est techniquement impossible aujourd'hui ? Alors, se poser sur Saturne, la réponse est non. Saturne n'a pas de surface. Donc, une mission qui est envisagée actuellement, et qui fait d'ailleurs partie des missions en évaluation au niveau de l'ESA et de la NASA, donc il y a plusieurs propositions équivalentes, c'est de descendre en parachute, une sonde en parachute dans l'atmosphère de Saturne jusqu'à des pressions de l'ordre d'une dizaine de bars. Mais on ne peut pas se poser à la surface de Saturne. Saturne n'a pas de surface. Alors, on regarde la page 5, si vous voulez bien. On voit Saturne. Évidemment, c'est une image qui a été prise par Cassini, une des très, très, très belles images prises par Cassini. Donc, ce qu'on voit, on est bien d'accord, c'est du gaz. C'est du gaz. Hein, c'est une boule de gaz. Principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Hydrogène, hélium. Alors, vous dites qu'on ne peut pas se poser là-dessus. Évidemment, c'est gazeux. Néanmoins, si je continue ma route, il est possible que je tombe sur un noyau ou pas ? Je pourrais me poser sur Saturne. Il faudrait vraiment descendre très très bas, à des milliers, des dizaines de milliers de bars. Ah oui. Et ça serait un océan d'hydrogène liquide, je crois. Oui, et puis peut-être que Paul de Brême deviendrait du diamant. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'avec la pression. À cause de la pression. Un beau diamant, mais pas gros. Pas gros. Un beau diamant. On pense qu'il y a beaucoup de diamants là. Il y a beaucoup de diamants. Moi, je suis étonné qu'il y ait une question qui n'est jamais posée. Ah, c'est quoi ? Et d'ailleurs, la réponse n'est pas simple. Pourquoi Titan a cette atmosphère d'azote ? Oui. Qui est quand même incroyable. Elle est unique. Il n'y a pas l'équivalent ailleurs dans le système solaire. D'accord. La question était posée. C'était l'un des grands objectifs de Cassini-Huygens d'expliquer pourquoi cette Lune avait une atmosphère d'azote. Je ne pense pas qu'on ait une réponse bien satisfaisante actuellement. Donc, ça reste encore un mystère. Alors j'ai une petite explication. Voilà peut-être pourquoi on ne pose pas la question, c'est qu'on n'a pas la réponse. Enfin, Titan est anormalement grosse par rapport à toutes les autres lunes. Donc, plus vous êtes gros, plus vous pouvez conserver une atmosphère. Une petite lune ne peut pas avoir d'atmosphère parce qu'il n'y a pas assez de gravité. Il est très probable que Titan avait de l'azote au moment où elle s'est formée et ayant atteint une certaine masse, a pu passer en phase gazeuse certaines molécules, dont l'azote. Et ça explique, c'est pour ça qu'on a l'atmosphère de Pluton est également constituée d'azote. Donc c'est un petit peu le même phénomène qu'on a sur Pluton et sur Titan. Voilà, mais ceci dit, il n'y a pas d'atmosphère équivalente sur Ganymède ou... Peut-être parce que c'est pas assez froid. Peut-être parce qu'il fait pas assez froid. Bon. Hypothèse. Monsieur. Ah oui, il faut lui. Faut attendre, il est en train de finir sa bouchée. En plus, c'est chaud. Alors, je vous en prie. On parlait de l'atmosphère de Titan. Et je me demandais. De quoi était composée l'atmosphère de Titan? Donc, vous avez dit de l'azote. Du coup, quel genre de pression et température et quelle épaisseur elle fait? Alors, la température à la surface, c'est moins 180 degrés. Si on s'élève jusqu'à la tropopause, qui est à 45 km d'altitude sur Titan, c'est moins 200. Donc, c'est la région la plus froide de l'atmosphère, moins 200 degrés. Et la pression à la surface, c'est 1,5 bar. Donc, 1,5 fois la pression à la surface de la Terre. Il y a une autre caractéristique de l'atmosphère de Titan qui est unique. C'est que c'est une atmosphère qui fait 1200 km d'épaisseur. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. 1200 km. D'ailleurs, si vous prenez des ouvrages anciens sur le diamètre de Titan, ils sont tous faux. Parce que les observateurs pensaient qu'il y avait une petite atmosphère de 100 km, pas plus. Et donc, ils estimaient le diamètre réel de Titan beaucoup plus gros qu'il n'est en réalité. Et ça a eu une autre conséquence, c'est que pour la sonde Huygens, c'est la seule fois que ça a été fait, c'est que vous savez que souvent, on déploie un premier parachute pour faire un premier freinage, et puis un deuxième parachute plus grand. Et bien là, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que si on avait déployé un parachute très grand, ce qu'on aurait pu faire, Huygens aurait mis 10 heures à descendre, et Cassini serait passé derrière l'horizon, et on n'aurait pas pu relayer les données. Oui, parce qu'il faut relayer les données. Huygens envoie les données à Cassini, qui les envoie sur Terre. Et donc, dans le cas de Huygens, vous larguez, le dernier parachute est plus petit que le précédent. Pour accélérer la descente. On veut accélérer la descente. Accélérer. À la fin. Vous savez que sur Vénus, c'est pire que ça. Sur Vénus, on ouvre un parachute. C'est les Soviétiques avec Carl Sagan qui sont arrivés à cette conclusion. Et à un moment, ils coupent le parachute. On coupe le parachute. On se met une petite voile vers le haut pour être stable dynamiquement et on se pose comme une pierre au fond d'un océan liquide. C'est 90 bars de pression, c'est visqueux comme si on se posait au fond de l'eau. Et c'est comme ça que les Soviétiques sont posés avec les Vénéras. Avec les sondes vénusiennes Vénéra, effectivement. Monsieur. Alors, je ne voudrais pas que la conversation tourne en boucle autour des mêmes concepts, mais j'avais une question sur les ballons, justement. Comme y a des planètes gazeuses qui sont en fait juste une espèce de boule d'atmosphère qui a de plus en plus de pression au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre, est-ce qu'on a envisagé des missions qui utiliseraient un ballon au sein des atmosphères, au sein des planètes gazeuses elles-mêmes? Malheureusement, il y a un problème de physique parce que les atmosphères, c'est principalement de l'hydrogène. Il faudrait trouver un gaz plus léger que l'hydrogène pour flotter dans ces atmosphères. Donc là, ce n'est pas simple. C'est même quasi impossible. Donc les trois objets du système solaire, mis à part la Terre, où on peut y aller en ballon ou en parachute, c'est Vénus, Titan... Et Mars. Mais Mars, c'est plus compliqué, un peu plus difficile que Titan. Je ne savais pas qu'en parlant de Cassini, on n'allait pas aller autant de ballons, mais pourquoi pas. Hein. Alors, j'ai deux questions, mais si vous voulez bien, je voudrais qu'on fasse une petite pause là pour aller page 8, parce qu'il n'y a eu aucune question sur ces anneaux. Les anneaux, ils sont quand même absolument majestueux. Et avec Cassini, on a vu des détails tout à fait extraordinaires. Francis Rocard, quelques commentaires là, non sur ces anneaux, est-ce qu'on voit page 8? Oui, en fait, il y a plusieurs images là sur la page 8. Alors, celle qui est en bas à gauche, c'est une image historique. C'est la première image qu'a fait Cassini en arrivant en juillet 2004. Et Caroline Porco, qui est responsable de cette caméra, quand elle a vu l'image, elle s'est retournée vers son équipe et elle a dit « Là, vous m'avez fait une blague, c'est pas vrai. ça c'est un ordinateur qui a sorti cette image. Et on lui a dit, ben non, c'est la nature qui a fait ça. Et ça a surpris tout le monde. Dans la mesure où on ne s'imaginait pas les anneaux qui ressemblent plus à un orgue avec des tubes de taille variable. Comme c'est un zoom, pour comprendre l'échelle, c'est un zoom sur un anneau ? C'est un zoom sur l'anneau, un anneau dense, l'anneau A ou B en l'occurrence. Ouais. Et depuis, on a compris. Ah. Mais ça a été compliqué, ça a mis des années. Et d'ailleurs, la photo de droite, je vous l'ai mise parce que, en gros, toutes les structures qu'on a dans les anneaux, moi je me souviens d'André Braik qui disait, qui est quand même le spécialiste mondial des anneaux de Saturne. Il connaissait très bien les anneaux, oui. Et il connaissait très bien, il était membre de l'équipe de la caméra de Cassini, et il était même membre de l'équipe de la caméra de Voyager. Et en fait, il disait, au début on avait l'anneau A, l'anneau B, l'anneau C, l'anneau D, et quand Voyager est arrivé, on a eu un véritable micro-sillon. Je ne sais pas combien on a compté d'annelets. Je ne sais pas si c'est le million ou le millier, je ne sais plus le chiffre. Millier. C'est le millier. Millier, d'accord. On est au millier. C'est-à-dire plein de petits anneaux à l'intérieur de ce qu'on voyait comme des anneaux d'un seul tenant. Alors, en termes d'anneaux, on en est quand même à 10. Hein. Aujourd'hui, on a 10, d'accord. Alors, on pourra y revenir si vous voulez, dont la nomenclature est purement historique. Grâce à Cassini, hein, notamment. Non, pas seulement, Spitzer pour le dixième. Spitzer qui a repéré un énorme anneau très très loin de Saturne, qui n'a rien à voir avec les anneaux, qui n'est pas dans le même plan, etc. Bon, et ce que vous voyez à droite, c'est en fait toute la physique complexe de l'interaction des lunes avec les anneaux, ce qu'on appelle les phénomènes de résonance. Et vous avez plusieurs lunes qui interviennent, elles sont écrites, Prometheus, Pandora, et qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit... Il y a Pan aussi. Pan. Donc toutes ces lunes ont des... Alors on ne les voit pas, là, les lunes en question. Ah non, là, on ne les voit pas. Pan et Prometheus, on ne les voit pas, mais elles circulent là, elles tournent. Mais on voit écrit 15-14. Qu'est-ce que ça veut dire 15-14 ? Ça veut dire une résonance 15-14. C'est-à-dire quand Prometheus fait 15 tours, au bout de la flèche blanche, l'anneau fait 14 tours. C'est ça, la résonance 15-14. Et comme les anneaux, vous avez bien compris qu'ils ne tournent pas de façon solide, tout ce qui est le plus près tourne plus vite que ce qui est plus loin. C'est la loi de Kepler et c'est universel. Donc ça si ce n'est pas parfaitement circulaire, ça se frictionne partout. Or, ces anneaux sont étonnamment calmes puisqu'il y a des structures ultra fines. Mais les ondelettes en bas à gauche, c'est aussi des effets d'ondes qui sont liés soit à des petites lunes, soit à Saturne elle-même. Parce que Saturne n'est pas complètement sphérique, et en tournant en 10h40, peut induire des ondes gravitationnelles vers les anneaux, qui va créer ces ondulations. Donc il y a des interactions gravitationnelles extrêmement complexes entre ces petites lunes qui se promènent, Saturne elle-même qui tourne, les anneaux qui eux-mêmes ne sont pas solides, et au final, voilà, on obtient ces formes-là, c'est étonnant. Alors, en haut à gauche, c'est une grande découverte de Cassini, hein, ça n'existait pas, ce qu'on appelle les propellers. Et les propellers, il faut en fait tourner l'image... En fait, vous avez les annelets. Il faut les mettre au format portrait plutôt qu'au format paysage. Au format portrait. Alors, le propeller, c'est quoi ? C'est une pseudo-lune qui est en train de se former, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir parce qu'elle est trop petite, mais dont l'interaction gravitationnelle sur les particules des anneaux se manifeste. Mais la petite lune, elle est au centre, du propeller. Parce que oui, il y a deux propellers, là, pour que tout le monde comprenne bien. Il y a deux petites ailes, gauche et à droite. C'est une hélice d'avion. Voilà, ça ressemble un petit peu à une hélice. Ouais. Et au centre de l'hélice, de chacune des deux hélices, vous avez une moonlette, qui est une petite lune en formation, et vous assistez en temps réel à un combat à mort entre la lune qui veut se grossir et l'anneau qui ne veut pas que la lune se grossisse. Et si la lune gagne, ça crée quoi ? Bah, ça crée ce que vous avez à droite. Ça crée une division. Une division, c'est-à-dire un endroit où il n'y a plus vide. de zone vide. La lune a gagné. Et à ce moment-là, il y a un effet très bizarre dans cette petite lune, dans les divisions, qui tout se passe comme si vous aviez de l'antigravité. De l'antigravité. Alors, c'est tout se passe comme si. Hein. Ouais. C'est pas de l'antigravité, ça n'existe pas. Mais la lune repousse l'anneau. D'accord. Et donc, c'est comme ça que les anneaux ont des bords extrêmement francs, nets. C'est parce que les lunes sont là. Et je rajouterais que si la Lune n'était pas là, la division disparaîtrait. Et la Lune extérieure à l'anneau F, si la Lune n'était pas là, l'anneau F se dissiperait. Et petit à petit, l'anneau disparaîtrait. Au point qu'il n'y aurait plus d'anneau autour de Saturne. Donc les petites lunes qui ont réussi ce combat mortel à se former à l'intérieur, ça c'est un peu technique, de la limite de Roche. Qu'est-ce que c'est que la limite de Roche ? Roche, c'est un monsieur, c'est un astronome français qui a fait des calculs et qui dit que au-delà d'une certaine limite pour un corps donné, une lune peut se former. En deçà, c'est-à-dire plus près, le corps ne peut pas se former, il peut y avoir des anneaux. Pourquoi ? Parce que vous avez un gradient de gravité lié à la Lune qui la casse, qui l'étire. Et donc, le propeller, c'est un combat entre l'étirement qui a tendance à détruire la Lune et la Lune qui agglomère des petits grains par contact. Ça, c'est grâce à Cassini. Et on ne sait pas. Ça, c'est Cassini. Ouais. On ne sait pas qui va gagner. Et je pense qu'actuellement, il y a des études sur les propellers. On les a appelés Blériot, on les a appelés tous les grands aviateurs de l'époque, du début du siècle. Et je pense que les études vont sortir bientôt où on aura une étude spatiale et surtout temporelle de chaque propeller. Est-ce qu'il grossit ? Comment ça évolue ? Ça, voilà. On ne les voit pas tellement évoluer. Pour l'instant, les études ne sont pas sorties. D'accord. On ne sait pas très bien s'ils sont en train de grossir ou ils sont en train de disparaître. Est-ce qu'on voit apparaître une petite division ? Ou est-ce que la Lune, l'anneau a gagné et la Lune est en train de disparaître ? Bon, c'est des choses qui sont très dynamiques. Page 9, il y a des choses magnifiques qu'on a observées aussi grâce à Cassini. C'est donc Daphnis et les ondulations qui sont générées par Daphnis. Donc, on a en bas une image où on voit effectivement encore un anneau. Au centre, une petite Lune, c'est Daphnis, hein, évidemment. Et puis, si on fait un zoom... c'est l'image du haut. Si on fait un zoom donc, sur l'image du bas, on voit en haut, donc c'est Daphnis, hein, ce corps, et on voit qu'effectivement, il y a des espèces de vagues magnifiques. Les vagues que monsieur avait envie de voir sur les lacs de Titan, on les a finalement dans les anneaux de Saturne. Qu'est-ce que c'est que ces phénomènes ? Ça, c'est l'interaction entre une petite lune et l'anneau qui est très proche. Vous avez vu la distance, hein, c'est même pas un diamètre de la Lune, hein, distance. Et une lune comme ça, Daphnis, vous avez une idée de ses dimensions ? C'est quelques dizaines de kilomètres. C'est peut-être 50, d'accord. 80. Il y en a une que je ne sais pas si on a la photo, qui s'appelle Pan, qui est la lune que j'appelle la Tutu. On va la voir. Mais attendez, avant de passer à Pan, l'image du bas, ce n'est pas du tout la même. Ah. Parce que l'image du bas, ce que tu n'as pas dit, Paul, c'est qu'on voit des ombres. Des ombres, on est à l'équinoxe, c'est-à-dire qu'on est au moment où le Soleil est exactement dans le plan des anneaux, on était en 2009, et en fait ça nous a permis de voir que les lunes ondulent dans le plan, c'est l'image du haut, mais aussi perpendiculairement au plan, parce que vous voyez des superbes ombres de ces ondulations dans l'image du bas. Et ces ondulations montrent que ça peut monter à des... peut-être un millier de kilomètres. La Lune peut quitter le plan des anneaux, non, c'est pas la Lune, c'est l'anneau qui a des espèces de montagnes locales à cause de Daphnis. Ah oui, j'ai compris, d'accord. Voilà. Bon. D'accord, bon. Un commentaire, Jean-Pierre Le Breton, sur ces images ? Non, bon, comme l'a dit Francis, ce sont des observations qui ont été faites lors de l'équinoxe, donc en août 2009. Et là, on avait une géométrie parfaite pour faire ce genre d'observation. Et en effet, ça a permis de mettre en évidence ces structures verticales qui ne pouvait être mise en évidence que par ces observations. L'ombre donne une idée de leur hauteur. Et l'ombre a permis à donner l'idée de la hauteur, oui. D'accord. Alors, il y avait des questions. Merci. 1000 questions sur les anneaux. Quel âge ont-ils ou quels âges ont-ils ? Quelle épaisseur ? Et quelles images, qu'est-ce qu'on retiendra du plongeon de Cassini, du plongeon final et du Razmot final. Ça, c'est les trois premiers. Bon, je ne suis pas spécialiste des anneaux, donc je pense que l'âge est très, très incertain. Certains disent qu'ils sont jeunes, donc ils sont très vieux. On oscille entre ces scénarios. J'ai entendu dire soit 150 millions d'années, ce qui n'est pas très vieux, soit aussi vieux que le système solaire. Aussi vieux que le système solaire, voilà. Aussi vieux que en fait, c'est contre-intuitif. C'est pour ça que... Le raisonnement qu'on peut faire, c'est le raisonnement qui est faux. Le raisonnement intuitif est faux. D'ailleurs, le raisonnement intuitif, c'est de dire que s'ils sont légers, ils sont jeunes. Pardon. Parce qu'ils ne se sont pas encore... Non, ils sont c'est vieux. Pas ça. Ils sont vieux. Ça, c'est intuitif. Parce qu'on imagine qu'ils sont en train de disparaître, c'est exactement. Ça voilà. C'est-à-dire que s'ils sont vieux et qu'ils sont légers, c'est qu'ils ont beaucoup disparu par le mécanisme d'échappement à la limite de Roche qui fabrique les lunes. Ça, on n'en a pas parlé. Ce serait bien d'en parler un petit peu. Surtout qu'il y a des Français qui ont fait un boulot génial. Et ce raisonnement est faux. Oui, on peut dire que ça disparaît parce que tout ça est en rotation et que ça a tendance à s'étaler, donc à quitter... L'univers a tendance à passer d'une boule à un plan. Et ce plan, c'est valable pour les galaxies, le faux plat avec les bras, mais c'est aussi valable pour les anneaux. Et c'est valable pour n'importe quoi, même C'est de la physique qui veut ça. Par effet de gradient de gravité, les particules des anneaux ont tendance soit à tomber vers Saturne, soit à quitter, à s'éloigner, d'accord, donc à disparaître. À disparaître. Les anneaux auraient tendance donc à disparaître. Ont tendance à disparaître. Simplement, ce qui les empêche de disparaître, ouais, c'est les petites lunes. Ah. Par effet d'antigravité, entre guillemets. Et donc maintenant, j'en reviens à l'âge. Le raisonnement qui est le bon, c'est que s'ils sont lourds, massifs, et Grand Final doit apporter une mesure importante, ouais, s'ils sont lourds et massifs, c'est qu'ils sont jeunes. S'ils sont légers, c'est qu'ils sont vieux. Attendez, je ne me suis pas trompé. Merde. Non, c'est l'inverse. Merde. Ah, tout à l'heure. C'est l'inverse. Ah non, mais c'est contre-intuitif. C'est pas compliqué, c'est contre-intuitif. Donc, il faut dire le contraire de ce qu'on pense. Voilà, il faut faire la logique et il faut l'inverser ce qu'on dit. Donc, c'est un peu compliqué dans la tête. Il y a des questions sur la masse aussi de Saturne. Il y a des choses essentielles sur Saturne qu'on ne connaît pas. Non, mais justement, la mesure du grand final. Quand vous êtes à l'extérieur, on a des senseurs. Que ce qu'on appelle le grand final, c'est le moment où effectivement Cassini a plongé sur Saturne. J'allais y venir. Les 293 orbites, c'est 270 ou 71 qui sont à l'extérieur des anneaux. Et on mesure, ça c'est les lois de la physique qui veulent ça, avec nos mesures Doppler, nos mesures de. On mesure ce qui est à l'intérieur. Donc Saturne plus les anneaux. Mais on ne sait pas séparer les deux. Quand on passe à l'intérieur des anneaux, on a Saturne à l'intérieur et les anneaux extérieurs. À ce moment-là, on mesure Saturne seul. Et si on est assez. Excuse-moi, parce que si on est assez malheur, c'est la vitesse. On mesure la capacité de d'attraction gravitationnelle du corps en question, c'est-à-dire de Saturne. C'est ça qui nous donne la masse. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Avec des mesures ultra précises, ouais, de la vitesse de par la vitesse. Effet Doppler depuis le sol. Avec des oscillateurs ultra stables à bord, et si on arrive à descendre au mètre par seconde, alors que tous ces engins vont à plusieurs kilomètres par seconde, donc on est à meilleur que le pour 1000, on arrive à mesurer finalement la masse et par les lois de Kepler tout simplement, Gmm' sur R2, le M c'est la masse du corps attracteur, et donc si on le fait de l'extérieur, on a les anneaux avec. Si on le fait de l'intérieur, on n'a que Saturne. Par différence, on mesure la masse des anneaux. Et ça, ce n'est pas publié encore. On attend le résultat. Donc, on devrait avoir une mesure de cette masse, ouais, du corps de Saturne. Les rumeurs semblent indiquer que ces anneaux seraient jeunes. Ah. C'est-à-dire peu massifs et jeunes. Je rappelle que moi, depuis que je suis de l'astrophysique, l'épaisseur des anneaux n'a pas arrêté de diminuer. À l'époque, on était à 3 km quand j'ai fait mon DEA. Et maintenant, on est à quelques dizaines de mètres d'épaisseur. D'accord, c'est pas que les anneaux ont. Non. D'accord, c'est la mesure qui a changé. Qui s'affine très bien. Et voilà. Mais néanmoins, mesurer la masse, on n'arrive pas à le faire uniquement en mesurant l'épaisseur. Ça marche pas. Alors, page 4, on a les orbites de Cassini. Et donc, on a déjà parlé de l'image en haut à droite. Mais là, on voit effectivement les orbites du grand final. Et on voit effectivement qu'on est passé dans les anneaux, là, Jean-Pierre Le Breton. C'était dangereux, ça ? Alors, on a eu peur quand on est passé. Alors, on passe évidemment à l'endroit d'une division, hein, pas dans un anneau lui-même. Comme disait l'un de mes collègues, Cassini avait la baraka. Ah. Donc, on pouvait tout faire avec Cassini. Ah. Mais c'est vrai. Non, c'est en général, c'est au moment où on pense ça que ça se passe mal. Hein. Oui, mais ça s'est très bien passé. Bon, tant mieux. Et d'autant plus que, bon, on pensait qu'il y avait de la poussière. Au niveau des anneaux, au passage au plus près de Saturne, et en fait, il n'y avait pas de poussière. Et même, il n'y a pas du tout de poussière. Ça, c'est une surprise et une observation qu'il faudra expliquer. Donc, okay, le passage à travers les anneaux s'est passé vraiment sans aucun problème. Quand je dis à travers les anneaux, entre les anneaux et l'atmosphère de la planète, s'est passé sans rencontrer de poussière. Une surprise, parmi tant d'autres. D'ailleurs, le premier passage a été fait comme l'arrivée en 2004 avec l'antenne en bouclier, voilà. C'est elle qui servait à protéger la sonde. Voilà. Faut bien se comprendre. La grande antenne. Au lieu d'une antenne, elle est faite pour être tournée vers la Terre pour envoyer des informations. Et là, on l'a utilisée comme un bouclier. Comme bouclier. Et en disant ça, on l'a fait sur le premier passage. Ouais. Parce qu'une antenne, c'est de la tôle, donc elle peut prendre des grains, c'est pas grave. Une caméra qui prend un grain sur l'optique, c'est moins bon. Et suite à ce passage où il y a eu très très peu de grains, ils étaient minuscules, décision a été prise de faire des... Il y a eu 22 orbites, hein, les 22 bleus. Qu'on voit bien là sur la page 4. Bleu, il y en a 22. Et ensuite, l'antenne était dirigée vers la Terre pendant les survols. Et en plus, on avait une liberté d'orientation par rapport aux observations. Absolument. Ah, il y avait monsieur qui avait une... Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions, Gilles ? Ah bah non il... Sur la page 9, Daphnis est magnifique. Et sur la page 10, évidemment, Pan est tout aussi spectaculaire. Ce sont des formes très étonnantes, absolument uniques dans le système solaire, à nouveau. Est-ce que vous avez des commentaires ? On regarde l'actualité aussi, puisque un exo-astéroïde a traversé le système solaire avec peut-être une forme aussi très étonnante. C'est curieux quand même, ces formes. Oui, le Pan avec son tutu. Alors on va regarder page 10, là, il y a Japet et Pan. Alors, Pan avec son tutu, il y avait deux explications. Il y a la mauvaise et la bonne. La mauvaise, c'était que par gradient de gravité, au moment de survol rapproché, l'engin vibre un peu et fait migrer la poussière vers l'équateur. Ça, je sais que Patrick Michel en parle souvent pour expliquer qu'il y a plus de régolithes à l'équateur, des petites lunes que du reste. En fait, c'est pas ça qui se passe ici. C'est que Pan, il fait 35 km à peu près. Les anneaux font, comme je l'ai dit, disons une centaine de mètres d'épaisseur. Et Pan est au milieu de la division de pas de Encke, mais un nom similaire, qui fait 85 km. Il est au milieu de tout ça. Donc il rencontre pas de matière, là. Il a ses aises. Non, mais rien n'est parfait. L'antigravité ne fonctionne pas à 100%. Il y a des particules des anneaux qui viennent tomber sur Pan. Et quand il tombe sur Pan, comme Pan est énorme par rapport au plan qui est une lame de rasoir, il tombe au même endroit, sur l'équateur de Pan. Et c'est ça qui crée le tutu. C'est l'équateur de Pan. Parce que Pan tourne parfaitement bien sur son axe. D'accord. Sinon, il n'y aurait pas de tutu. Pan tourne sur lui-même et la poussière qui tombe sur Pan a tendance à dévier vers l'équateur, on peut dire ça ? Non, pas dévier. Non. Elle tombe naturellement vers l'équateur. Mais si vous regardez bien Pan, la photo est un peu petite, il y a en plus des structures sur ce tutu. On a l'impression qu'il est constitué de 4 ou 5 morceaux. Ça, je n'ai pas d'explication. Ah, pas d'explication pour tout. Hein. Alors, il y a aussi Japet, là. C'est extraordinaire, ce Japet avec cette crête équatoriale. On dirait une épine dorsale. Là. Cette observation a été faite au tout début de l'arrivée de Cassini, première ou deuxième orbite après la mise en orbite autour de Saturne. Et c'est une grande montagne, en quelque sorte, qui fait le tour de Japet à l'équateur. Et je crois que cette montagne, la hauteur est de quelques 20-25 km au-dessus de la surface de Japet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une explication non plus. Il y a une explication ? C'est très probablement comme Mercure, c'est une lune qui se contracte. Contraction. Pourquoi elle a lieu à l'équateur, ça, ouais. c'est assez mystérieux. D'accord. Mais c'est la contraction qui a fait grimper la montagne. Alors Japet, c'est aussi une lune yin-yang. Et si on regarde la petite image en incrustation, on voit une lune toute blanche avec un côté une face blanche, teintée de noir, là, une face noire. Alors, il y a deux interprétations. Il y a deux interprétations. Ouais. Ben, je te les laisse. Alors, Francis Rocard. On m'en a donné une. C'était Thomas de Lyon qui l'avait. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Japet se promène dans un anneau. C'est important. Et donc, la première explication qui a été donnée, qui a du sens, c'est que Japet... Alors, encore une fois, presque toutes les lunes du système solaire sont phase-loquées en anglais. Ça veut dire qu'elles montrent la même face à leur planète. Comme la Lune montre la même face à la Terre. Comme Charon et Pluton sont tous les deux phase-loqués l'un par rapport à l'autre. Japet, c'est pareil. Il est phase-loqué. Donc, si vous êtes phase-loqué, vous avez, comme pour la Lune... une face qui est dans le vent. Je me fais bien comprendre. Comme vous tournez autour de Saturne, s'il y a des débris qui sont entre guillemets immobiles, ce qui n'est pas possible, mais vous les prenez dans la figure d'un côté, pas de l'autre. Toujours au même endroit. Sur une face. Ah oui, bien sûr. Et en fait, c'est cette face qui est sombre. Sur un côté. Enfin, une face. On se comprend. Oui. Parce qu'au début, je me souviens les premières images, la question était de savoir, est-ce qu'il y a du yin et du yang, mais est-ce qu'il y a du médium ? Est-ce qu'il y a... La réponse est non. C'est-à-dire soit c'est blanc, la glace pure, soit c'est très sombre. Il n'y a pas de médium. n'y a pas de gris entre les deux. C'est d'ailleurs un peu vert. Alors vous allez me dire pourquoi c'est vert alors que c'est orange sur Charon. Ça, c'est encore une question. J'ai pas de réponse. C'est intéressant. Là, c'est vert. Et donc, c'est la face qui est dans le vent, qui prend les poussières et qui s'accumule. Et donc, ça, c'est une explication. Ah. Mais en fait, elle est pas. Elle vient se combiner à une deuxième explication qui est liée à la première. C'est qu'à partir du moment, c'est un petit peu un effet papillon. À partir du moment où vous avez un tout petit peu de poussière qui tombe sur la face sombre, cette face sombre a un albédo qui absorbe plus les photons, donc chauffe. L'albédo, c'est la réflectivité, hein, c'est voilà. La donc capacité devenez, à réfléchir la lumière. Si vous êtes un peu plus sombre, vous absorbez plus les infrarouges, donc vous chauffez par le soleil, même s'il est loin. Et donc, vous sublimez la glace. Et si en dessous... Sublimer la glace, ça veut dire la faire transformer en vapeur. Oui. Tu vas reprendre tout ce que je vais dire. Mais il faut expliquer, sublimer la glace, il faut expliquer. Hein. Ouais, je pense que tout le monde l'a compris. Ou alors il lève le doigt. Bon. Ah bon, non, bah non, justement pas. Non, mais donc, à partir du moment où il y a un petit écart de température, la glace se sublime plus du côté sombre, et à ce moment-là, ça diverge. Parce que si la glace se sublime, c'est le matériau sombre qui reste. Et donc, ça augmente le matériau sombre et ça devient divergent jusqu'à avoir une zone extrêmement sombre et une face arrière extrêmement claire. Et probablement les deux effets sont combinés. Il y a une naissance là, on dirait, non ? Mais dis-moi pourquoi mon petit Nathanaël, tu ne veux faire tes maths que les soirs de lune nouvelle. Francis Rocard m'a dit, et je crois bien que c'est un dicton, s'il n'y a pas de lune, il n'y a pas de division. Et la division, c'est mon cauchemar. Alors, j'avais deux questions. Une, toujours pour rester au niveau des lunes et de la limite de Roche, de ce que j'avais pu m'intéresser sur Saturne, les anneaux auraient été constitués par la dislocation d'une lune massive autour de Saturne. En fait, c'est vraiment s'intéresser sur l'origine de ces anneaux, comment ils se sont formés. Et ma deuxième question, ce serait plus pour revenir sur l'affirmation qui avait été faite tout à l'heure sur le fait qu'il n'y ait pas de noyau au centre de Saturne. Pourtant, je me dis qu'avec les pressions qu'il y a, l'hydrogène et l'hélium, au bout d'un moment, vont ne plus rester gazeux, mais d'une part précipiter, se métalliser, et quand même arriver à former un noyau. Donc, qu'est-ce qu'il en serait à ce niveau-là Alors... Oui, il y a un noyau solide, en effet. Je ne suis pas descendu jusqu'au centre de Saturne, mais il y a l'hydrogène liquide, métallique, et en effet, il y a un noyau, très probablement un noyau de plusieurs fois la dimension de la Terre, un noyau de roche au centre de Saturne. Alors, il y a une autre question sur l'origine des anneaux, là. Voilà, je laisse Francis donner la bonne et la mauvaise explication. Excuse-moi, sur ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, il y a quand même, ça soulève pas mal de questions. D'abord, Juno, vous connaissez Juno, cette mission qui tourne autour de Jupiter, c'est le grand final. C'est pareil. Les orbites sont les mêmes. C'est du polaire rase-caillou. Tu me fais bien comprendre ? On passe très très près de la planète et on est polaire. Juno et grand final, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est l'orbite idéale pour mesurer le champ de gravité. À chaque fois qu'on va passer très très près, je crois que si Jupiter était un ballon de basket, Juno passait à 1 cm. 1 cm, oui. Vous voyez à peu près l'échelle. Hein. Alors, cette table est plus grosse qu'un ballon, mais donc ça doit faire 2-3 cm. Plus vous passez près, plus vous êtes sensible. Et le grand final, c'est un peu la même idée. On passe à 3000 km, c'est pas grand-chose. Le but, c'est quoi ? C'est comme Saturne tourne en 10h40, il faudra qu'on parle de la rotation de Saturne, parce que c'est compliqué. Hein, et que l'orbite, elle est très longue, elle fait plusieurs jours, donc il n'y a pas de résonance entre les deux. Donc, on va sonder des longitudes différentes de Saturne. Et donc, au bout de 22 orbites, on va avoir 22 orbites qui seront passées, si Saturne est fixe, à différents endroits. C'est comme ça qu'on va constituer la mesure globale du champ de gravité de Saturne. Et le but étant de mesurer par effet, si vous regardez Saturne à la lunette, Saturne a une particularité, c'est que c'est l'une des planètes les plus aplaties du système solaire. Ah oui. Ah oui, c'est manifeste, ça se voit à l'œil nu. Elle est, parce qu'elle tourne, et donc c'est une citrouille. Les Anglais avaient raison, c'est une citrouille, c'est pas un ananas, les planètes. C'est plus aplati à l'équateur. Et donc, grâce à cette déformation de la sphère, on peut remonter à la masse du noyau. C'est fondamental, parce que, et c'est pour ça qu'il y a une mission à 1 milliard de dollars qui fait ça. Les Américains, ils ne font pas une mission à 1 milliard de dollars pour rigoler. Ils font une mission à 1 milliard de dollars pour savoir si le mécanisme de formation de Jupiter est celui qu'on appelle le modèle standard, enfin que j'appelle un peu rapidement le modèle standard, qui est le modèle classique, c'est-à-dire un noyau de 10 masses terrestres qui accrète naturellement le gaz environnant. Accrète, je peux dire quand même, qui par gravité, agglomère. Par gravité. Voilà, voilà. Par gravité, qui aspire par gravité le gaz. C'est, là, si on a un noyau de 10 masses terrestres, ce modèle marche très bien, la preuve est faite. Si on n'a pas un noyau de 10 masses terrestres, ce modèle est faux. Et là, on tombe sur un deuxième modèle qui est un petit peu... qui part du constat très simple, la moitié des étoiles sont binaires. Donc, ce n'est pas un tourbillon, c'est deux tourbillons. Binaire, ça veut dire, on peut quand même dire que c'est deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Bah, une étoile binaire, ça n'a pas de soi quand même. Binaire, vous ne savez pas ce que ça veut dire ? Bon, ok. La moitié des étoiles sont binaires dans le ciel, voire triple. Ça veut dire qu'il y a le schéma du tourbillon unique. Et pas le schéma le plus fréquent. Disons que c'est dans 50% des cas, il y a un double tourbillon. Et si là, on en avait un gros et un petit, vous aviez le Soleil et Jupiter. Et si vous avez un autre petit, vous aviez Jupiter et Saturne. Donc, et là, vous n'avez pas besoin de 10 masses terrestres. C'est des tourbillons. C'est de l'effondrement gravitationnel local. Au même titre que le Soleil s'est formé par effondrement gravitationnel local. Donc, voilà. Et on veut discriminer entre ces deux modèles qui sont très fondamentaux. Et finalement, il y a une certaine incertitude entre les deux. Et mademoiselle qui avait une question depuis tout à l'heure. Oui, j'avais une question en parlant de lunes et de la diversité des lunes de Saturne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Hyperion, qui est un cas assez exceptionnel et si, je ne sais pas si la mission Cassini a apporté des nouvelles choses sur Hyperion, parce que c'est très difficile à observer. Hyperion, c'est l'éponge, c'est ça ? Oui, c'est l'éponge. L'éponge, oui. Il semblerait que ça soit une lune extrêmement peu dense. Et donc, les cratères d'impact carrément s'enfoncent à l'intérieur. Quoi. Les objets qui percutent Hyperion, comme c'est mou, ça s'enfonce dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux catégories de lunes autour de Saturne, autour de Jupiter, autour d'Uranus, autour de Neptune. Il y a les régulières et les irrégulières. Les régulières, c'est celles qui tournent bien dans le bon sens, dans le plan. Le bon sens, c'est le tire-bouchon vers le haut, etc. Toutes ces lunes se sont formées avec Saturne. Probablement, et Sébastien Charnoz a fait des calculs très intéressants, à partir des anneaux de Saturne. Mais les lunes irrégulières sont des astéroïdes capturés. Elles tournent n'importe comment. Elles peuvent être rétrogrades, elles peuvent être inclinées. Je crois qu'Hyperion en fait partie. Elle est rétrograde, oui. Oui. Donc c'est un astéroïde capturé. Alors pourquoi il a une très faible densité, on n'en sait rien. J'entends encore André Braïc. J'entends encore André Braïc nous dire à chaque fois qu'on découvre des lunes, il n'y en a pas deux pareilles. Bon, ah oui. C'est toujours vrai, il n'y en a pas deux pareilles. Je n'ai pas trop d'explications sur Hyperion. Alors, il n'y a eu qu'un seul survol d'Hyperion en tout début de mission. Et c'est pendant ce survol qu'on a vu ces belles images. Malheureusement, Cassini n'a jamais pu se rapprocher proche d'Hyperion pour faire des mesures de gravité en radio et d'autres. C'était juste avant l'arrivée. Ouais, juste avant l'arrivée, exact. Alors moi, j'ai l'impression que c'est en année 2, regardez, Hyperion, là. Si vous allez sur la page 3, vous avez un résumé de tout ce qu'a fait Cassini. Alors, on a les années... Ah non, avant l'arrivée, c'était Phoebe, en effet. Ah, Phoebe. C'est Phoebe. Phoebe, d'accord. Hyperion, c'était... Donc là, vous avez les 13 années, vous voyez 13 colonnes. Et vous voyez exactement ce qu'a fait le nombre de survols de Titan. On a le nombre de survols d'Encelade. Et puis, on voit les autres satellites glacés. Et donc, on voit qu'effectivement, c'est en année 2 que Hyperion a été survolé. Ouais. Et puis, vous voyez aussi complètement à droite le nombre d'orbites proximales, c'est-à-dire les orbites très proches qui ont été réalisées, les orbites du grand final, finalement. Voilà, donc on a un bon résumé, là, de tout ce qui a été fait. les petites lunes, on les survolait un petit peu, pas au petit bonheur la chance, sachant que les, c'était plutôt les grosses lunes de Titan et Encelade qui étaient privilégiées. Et puis ensuite, on essayait d'optimiser l'orbite pour aller voir une petite lune au passage, etc. etc. Donc, mais difficile d'en dire plus sur Hyperion. On pourrait parler d'Encelade parce que je crois que c'est... Bien sûr, mais on le garde pour la fin. C'est la découverte majeure de Cassini. C'est la découverte, mais... Pour moi, s'il y a une à mettre tout en haut de la pile, c'est Encelade. Alors, on va prendre la question de monsieur et après on parle. Je suis d'accord avec Francis. Voilà, voilà. Bravo. Bel effort. Justement, ma question portait sur Encelade. Ma question, c'était de savoir... on voit sur l'image, la diapositive 11, qu'il y a des espèces de cours d'eau. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'eau. Justement, ma question portait sur est-ce qu'on sait déterminer ce que sont ces traces sur la surface ? Et sur la deuxième image, on voit qu'il y a du volcanisme aussi sur Encelade. Alors, ce ne sont pas des cours d'eau, ce sont des fissures, des crevasses en quelque sorte dans la couche de glace. Alors, ce qu'on voit en bleu, ce sont des fausses couleurs. Ouais. Et donc ce sont des crevasses, et à travers ces crevasses, l'eau qui est sous pression à l'intérieur, l'eau liquide qui est sous pression à l'intérieur d'Encelade, s'échappe et forme ces geysers qui remontent à travers les trous dans les crevasses. Donc c'est... Alors, pour compléter un peu ce que tu viens de dire, historiquement, c'est Madame Dougherty qui a raconté l'histoire. Tu sais pas si tu l'as entendu. Ah bah si, ouais, en fait, Madame Dougherty, elle est responsable du magnétomètre. Et lors du premier survol d'Encelade, elle a découvert que son magnétomètre variait de façon un peu anormale. Et elle a dit oula, ça c'est intéressant. Il va falloir et c'est là où dans les coordinations scientifiques, elle a dit écoutez, Encelade, il se passe des choses. Je sais pas ce qui se passe, mais mon magnétomètre réagit de toute façon tout à fait anormale. Donc, il va falloir un petit peu l'utiliser sous toutes les couleurs. Elle a identifié que c'était une atmosphère. Voilà. Et donc, l'idée, qui n'est pas du tout faite par hasard, c'est comme sur la comète, ils ont photographié Encelade en contre-jour. Et la photo est célèbre, ce n'est pas celle qui est là, mais c'est comme ça qu'on a découvert les jets. L'énorme surprise, c'est les jets. Attends, parce qu'il y a une petite polémique. En plus, ce sont... entre la responsable de la caméra et la responsable du magnétomètre. La découverte a bien été faite par la responsable du magnétomètre. Et en fait, il y avait, dans les images prises avant cette découverte, il y avait des images qui n'avaient pas été exploitées. Et dans ces images, l'équipe de la caméra est retournée analyser les images qui étaient emmagasinées quelque part. Et il y avait en effet ces jets en contre-jour. Oui, mais tu peux même dire que Voyager avait vu les jets. Voyager avait vu les jets. Alors c'est une image Voyager, où on voit qu'il y a un pixel un petit peu décalé par rapport au rond. En fait, on ne savait pas très bien ce que c'était. Personne ne l'avait remarqué. Non, mais quand on les reprend... J'ai insisté sur Cassie parce qu'il y a eu une petite polémique entre qui a découvert les jets d'Encelade. Donc c'est vraiment le magnétomètre. Moi, je ne vois pas la relation entre le magnétomètre, c'est-à-dire entre le champ magnétique et le fait qu'on ait des jets liquides. Eh bien, ces jets formaient un obstacle au champ magnétique et déformaient les lignes. Déformaient le champ magnétique. Déformaient le champ magnétique. Et donc, la responsable du magnétomètre a dit il y a quelque chose qui déforme une atmosphère. Et c'est là qu'elle a plaidé pour que le troisième survol, qui était le troisième survol d'Encelade, soit reprogrammé. Il était prévu à 500 ou 1000 km d'altitude et était reprogrammé à une altitude beaucoup plus basse pour se rapprocher d'Encelade et faire les mesures qui ont permis de confirmer cette découverte. Oui. Alors, d'abord, Encelade, quand on dit que c'est des fausses couleurs, oui et non, c'est un petit peu forcé sur les couleurs. Un petit peu forcé. Mais Encelade, c'est l'objet le plus blanc quasiment des lunes du système solaire. Donc, c'est vraiment de la glace d'eau très pure et très fraîche. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a des zones où il y a très très peu de cratères. Vous savez qu'on date les surfaces par le nombre de cratères par million de kilomètres carrés. Et puis, vous avez ces griffes du tigre. Alors, ce qui est très mystérieux... Les griffes du tigre, c'est quoi les griffes du tigre? C'est les fameuses fissures. Ah, ce qu'on voit, en bleu, là, c'est Encelade. Ce que monsieur appelait des... C'est ce que les scientifiques ont appelé les griffes du tigre. Les fleuves. Le Tiger Stripe. Et ce qui est très mystérieux, c'est pourquoi c'est au pôle sud. On aurait pu penser que ça devrait plutôt se situer à l'équateur. Alors, excusez-moi, oui, sur les tigres, les griffes elles-mêmes. Les jets d'Encelade sont au pôle sud. En fait, la photo a été mise à l'envers. Hein. La photo qui est là, d'accord, il faut la retourner, d'accord, pour avoir les jets vers le bas. Alors, puisqu'on parle des jets, il suffit aussi de regarder la page d'après. la page d'avant ou la page de laquelle ? Regardez, oui, c'est juste derrière. C'est la page 12. Et les voilà, les jets. Ah, ils sont magnifiques. Ça, c'est les vrais jets. Il suffit de demander. C'est les vrais jets Encelade. C'est pas une photo truquée. C'est les jets Vieux-Olympe, au même titre qu'on voit les jets de Churyumov Vieux-Olympe. C'est magnifique. Je crois qu'on en a dénombré une centaine, à peu près. Ce que je voulais dire, ils sont relativement permanents, c'est ça ? Ils sont permanents. Ils sont permanents. D'accord. À l'échelle de la mission Cassini. Bien sûr. Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'ils ont 4,5 milliards d'années ? Ça, ah oui, oui, oui. Ah, non, mais d'accord. Point d'interrogation. Tout le monde a dit, et les commentaires ont dit rapidement, oh ben c'est simple, c'est les effets de marée sur Encelade. Alors quand on dit les effets de marée sur Encelade, on a dit en trois mots un truc qui est compliqué. Oui, il faut expliquer les effets de marée. Alors il faut expliquer. En gros, c'est le fait qu'Encelade, il y a plusieurs effets de marée en fait. Si vous êtes parfaitement phase-locké, sur une orbite parfaitement circulaire, vous n'avez pas d'effet de marée. Pourquoi il y a un effet de marée sur Io ? Vous savez, ce satellite de Jupiter qui est hyper volcanique parce que l'effet de marée est monstrueux. 100 mètres de dénivellation, l'effet de marée sur Io. Au point de vue marée terrestre, j'entends. 100 mètres. Si on avait l'océan terrestre, l'océan de la Terre sur Io, on aurait des marées de 100 mètres. C'est ça que ça veut dire ? C'est même la Terre de Io monte et descend de 100 mètres. Ah d'accord, le corps lui-même se déforme à ce point-là. Alors, en fait, pourquoi il y a un effet de marée si prononcé sur Io ? Parce que ça vient du fait que Io, Europe, Ganymède et Callisto sont en résonance les uns par rapport aux autres. Quand Io fait 4 tours, Europe en fait 3, Ganymède en fait 2, Callisto en fait 1. Enfin, à vérifier, mais c'est à peu près ça les chiffres. Ça veut dire qu'ils sont tous en résonance. Et quand vous êtes en résonance, il se produit quand même un phénomène, c'est que ça tire toujours un peu dans le même sens. Et donc ça déforme un petit peu l'orbite de Io, et ça crée l'effet de marée. C'est-à-dire que on s'éloigne un petit peu du cercle parfait. Donc un coup, Jupiter attire plus, un coup, il attire moins, et ça fait l'effet pompe à vélo. Sur Encelade, c'est le même phénomène. Ouais. Simplement, les gens de Nantes... Encelade est phase loquée ? Je crois que je l'ai dit. Oui, c'est possible, mais il faut confirmer. Non, mais je l'ai dit. Bon, non, je ne l'ai pas dit, excuse-moi, c'est sûr. Oui, peu importe, c'est pas grave. Ils sont à peu près tous phase loquée. Ceux qui ne le sont pas, c'est vraiment une exception. L'autre point, c'est... On dit c'est un effet de marée. Ouais. En fait, les gens de Nantes, Gabriel Tobie, le grand spécialiste en théâtre, c'est Gabriel Tobie à Nantes, il a écrit tout un article pour la science, je vous invite à le retrouver, tout y est. Et en fait, quand on fait les calculs, on se rend compte que l'effet de marée ne marche pas. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas assez de milliards de watts pour maintenir l'océan liquide d'Encelade liquide. En fait, ça veut dire que l'océan aurait dû geler et donc les jets auraient dû s'arrêter. Et des calculs plus approfondis et une hypothèse forte qui a été émise par... je crois que c'est Toby qui a fait le papier. C'est Chaublet. Mais Chaublet est à Nantes aussi. C'est les grands spécialistes des satellites de glace. C'est les spécialistes des satellites glacés. En fait, Chaublet prend une hypothèse forte qui est de dire « Et si mon noyau d'Encelade était poreux ?» À ce moment-là, mon eau liquide peut passer à travers le noyau et un liquide va beaucoup plus efficacement transférer de la chaleur au noyau et donc on va maintenir de façon beaucoup plus efficace l'océan liquide puisque l'océan liquide va récupérer plein de chaleur venant du noyau. Parce que la question, c'est quand même d'où vient la pression, c'est bien ça ? Non, c'est pas ça. Non, quoi ? C'est d'où vient la chaleur. Oui, d'où vient la pression, donc d'où vient la chaleur. Non, c'est d'où vient la chaleur. D'accord. Qui maintient un océan liquide. Vous n'avez pas forcément de jet. D'accord. Le jet, c'est qu'il y a une fissure. Ah oui, c'est ça. Et Chaublet explique bien dans son article que ça doit se passer au pôle. Et, bon, dans le résumé que j'ai lu rapidement, au pôle, avec un S, et là, on est qu'au pôle sud. Ça, c'est bizarre, non ? Il dit une chose, c'est que mes calculs montrent qu'au pôle sud, l'épaisseur de la glace ferait 2 à 5 km, oui. Alors qu'ailleurs, elle ferait 35 km. Ah bah, c'est une explication. C'est une explication, d'accord. Mais encore faut-il le calculer, oui. Et c'est ce qu'a fait Gabriel Chaublet. Et ça marche assez bien. Alors pourquoi Oui, tu as dit que l'effet de marée ne marche pas. En fait, l'effet de marée marche, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Voilà. Et en fait, il y a une observation très intéressante. À l'élongation maximum et minimum sur l'orbite, une observation a été faite qui montre que l'activité de geyser ou de CG est deux fois plus grande. Alors, sur l'une des, sans doute au plus près, et lorsqu'on est plus loin, elle diminue deux fois. Donc l'effet de marée marche, mais comme c'est l'influence de Saturne joue, il n'est pas suffisant pour expliquer l'activité géothermale d'Encelade. D'accord. Alors pourquoi c'est si important? Vous dites c'est la plus belle découverte, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je trouve ça. Et alors? Alors, tu me permets... Allez-y, Jean-Pierre Le Breton. Il y a un papier qui a été publié très récemment par le responsable de la caméra. Et le titre de l'article, c'est « Il pleut des microbes à la surface d'Encelade ». Il pleut des microbes. Il pleut des microbes à la surface d'Encelade. Donc, à l'intérieur d'Encelade, il y a probablement une chimie complexe qui pourrait se passer dans un milieu favorable à des formes de vie primitives qui pourraient éventuellement conduire à des microbes. Et ces microbes s'échappent, sont entraînés dans ces jets et ils pourraient retomber à la surface d'Encelade. Donc Encelade est une lune habitable. Elle n'est pas habitée, elle n'est peut-être pas habitée, mais au moins elle a toutes les caractéristiques ou un grand nombre de caractéristiques d'une lune, d'un objet habitable. Et il n'est pas exclu qu'il y ait certaines formes de vie primitives à l'intérieur d'Encelade et dans les jets. Donc les missions futures ont pour objectif principal d'aller analyser avec les bons instruments ce qu'il y a dans ces jets qui s'échappent d'Encelade. Les éventuelles missions vers Encelade. Les éventuelles missions vers Encelade. Et donc l'idée, c'est là aussi de faire des passages à basse altitude au niveau des jets pour récupérer de la matière. Et avec les bons instruments. Et la communauté scientifique développe actuellement les instruments qui seront les instruments à emporter sur ces missions futures. Alors, question importante, est-ce que Francis Rocard est d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Je crois que ça soulève... Il y a plusieurs façons de traiter le problème. Il y a la façon dont vient de dire Jean-Pierre, c'est de passer dans les jets et d'analyser. Alors, quand on est microbe ou bactérie, c'est la même chose, vous l'avez compris. Et donc, là, vous avez un effet fontaine, c'est-à-dire que ces jets éjectent du matériel, mais la gravité en fait tomber, d'où le fait qu'ils tombent des bactéries à la surface d'Encelade. Et c'est un petit peu selon ce principe que les Américains font Europa Lander, qui est un lander, un atterrisseur sur le satellite Europe, qui lui aussi a des jets, pas forcément permanents, mais qui ont été observés à diverses reprises sans ambiguïté. Et en allant se poser sur Europe, avec un mécanisme de ce type, on pourrait, avec cet atterrisseur, en ramassant ce qui se trouve au sol, analyser peut-être ces bactéries qui sont en train de mourir ou qui sont mortes il y a la semaine dernière ou il y a 1000 ans, qui se retrouvent à la surface d'Europe. Donc ça serait indirect. Mais il y a un certain espoir de trouver peut-être des preuves de vie sur Europe aussi. Parce que Europa Lander, c'est en préparation. Alors qu'il n'y a pas d'atterrisseur sur Encelade qui est en préparation. Il y a peut-être un survol dans les jets qui pourrait être sélectionné. Il y a deux missions qui sont en cours d'évaluation actuellement à la NASA, comme les deux missions vers Titan qu'on a citées tout à l'heure, ont été proposées, dont l'une s'appelle ELF, ELF, Enceladus Life Finder. Ça me rappelle quelque chose. C'est Rencontre du troisième type. Ah bah oui. C'est tout à fait indiqué, effectivement. D'autres questions, d'autres interventions, peut-être? Il nous reste un quart d'heure, on a encore le temps de discuter un peu. Je vais juste vous demander, en page 6, on voit une image de Saturne avec une aurore boréale. Alors, je ne sais pas si vous avez parlé du champ magnétique de Saturne, je ne me souviens pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Alors, toutes les planètes avec un champ magnétique, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et je pense Neptune, ont des aurores qui sont dues à l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique. Et les aurores de Saturne ont fait l'objet d'une campagne d'observation combinée entre Hubble. Il y avait des campagnes d'observation avec Hubble en coordination avec les observations de Cassini. Et je pense que cette image est une des images prises par Hubble, mais je pense. Ce qui a permis vraiment Cassini de faire aussi des images en optique, dans le visible, dans l'infrarouge, dans l'UV, mais aussi des mesures in situ pour comprendre le type de particules chargées qui étaient responsables de cette activité aurorale. Donc il y a une campagne combinée entre plusieurs instruments et Hubble. Il y a une très belle manip qui a été faite notamment par une équipe du LESIA. Ça a été d'identifier ce qu'on appelle une éjection de masse coronale, c'est-à-dire une éruption solaire, une bonne éruption solaire, celle qui partait dans la bonne direction, et ils l'ont observé passer au niveau, je crois, de Jupiter, qui a fait des aurores, de Saturne, et ils l'ont même observé au niveau d'Uranus, voire même de Neptune. Donc c'est assez génial, c'est-à-dire que c'est la même éruption qui, en passant, en aspergeant les planètes successives, ont créé des aurores. Il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que les aurores sont en général dues au même phénomène que nos aurores terrestres, mais il y a d'autres aurores qui ne sont pas dues à ce phénomène, surtout sur Jupiter, qui sont dues à des mécanismes propres de la magnétosphère, et c'est notamment les lunes qui envoient des particules chargées dans les cornées polaires de la planète, et c'est pour ça qu'on voit des spots sur les aurores. Vous avez le spot de Io qui est très visible, le spot de Ganymède, parce que ce sont des particules qui viennent de Io, et ça, c'est pas du tout le même phénomène que le vent solaire lui-même. Ouais. Retour sur Encelade et l'alimentation de l'anneau E de Saturne par les panaches d'Encelade. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas du coup aller chercher ces peut-être bactéries dans l'anneau E plutôt que dans les panaches? Alors, les bactéries, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, en effet, c'est que l'anneau E est alimenté par Encelade, et l'étude de la composition des particules dans l'anneau E a été corrélée à la composition des particules émises dans les jets. Donc, il y a une corrélation très forte qui a permis de découvrir, entre autres, qu'il y avait des sels dans les jets d'Encelade. Ce qui est amusant, c'est que les spectres dans les jets et les spectres dans l'anneau E par le même instrument n'ont rien à voir. Dans les jets, c'est essentiellement H2O et puis des molécules organiques. Et dans l'anneau E, c'est des sels. C'est du KCl, du NaCl. Il y a eu aussi du sel qui a été détecté, je crois, dans les jets, dans l'instrument poussière. Peut-être, mais la comparaison des spectres, c'est strictement rien à voir. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il pourrait y avoir des microbes? Je ne sais pas. Il faut vraiment dans y retourner. Ouais. C'est aussi une des lunes privilégiées pour l'exploration future. Page 6, on a un orage, là, Francis Rocard, un bel orage. On voit effectivement une aurore boréale, un hexagone polaire, mais à gauche, l'image, c'est oui. un orage. Alors, c'est un orage. C'est un entre phénomène qui... Alors, les spécialistes dont je ne suis pas l'ont dit, donc je vais le dire comme eux, c'est saisonnier. Saisonnier, d'accord. L'année saturnienne, c'est 29 ans, donc ça se produit à peu près tous les 29 ans, c'est donc pas très fréquent, et un endroit particulier, mais pourquoi ici, personne ne sait, y a un phénomène d'orage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est probablement lié à l'eau dans Saturne, qui, comme dans les orages terrestres, se met à monter, et a provoqué cette violente turbulence. On parle de profondeur de plus de 150 km. Et cette turbulence, elle arrive ensuite dans les nuages qui, eux, vont à des vitesses importantes. Et donc, c'est la turbulence qu'on a vue faire le tour de Saturne, sachant que l'orage proprement dit a duré 260 jours. 260 jours. Donc, un peu moins d'un an. Et ensuite, ça s'est arrêté. Et bon voilà, c'est lié à l'eau parce que l'eau a des propriétés, c'est toujours pareil. Cette eau, on ne parle pas assez des propriétés de l'eau, mais c'est fondamental. C'est simplement du fait que l'eau se condense, l'eau se transforme en glace, l'eau se transforme en vapeur. Et donc toute cette chimie de l'eau crée ce genre de phénomène. S'il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas ce genre d'orage. Alors une petite précision au sujet de la découverte de cette zone orageuse. En fait, la première découverte a été faite par les astronomes amateurs. Et Gilles connaît sans doute l'histoire par cœur. Donc ce sont les astronomes amateurs, un certain Go des Philippines, qui a découvert qu'il y avait une petite tache blanche le 9 décembre ou le 13 décembre 2010. Et évidemment, il a alerté Cassini. Et Cassini a changé son programme d'observation pour aller observer lui-même cette tache et bien sûr l'a suivi pendant plus d'un an. Et en fait, je crois qu'il y avait dans les images de Cassini prises quelques jours avant l'observation de Gaux, il y a peut-être une petite idée, un petit soupçon que cette tâche était en formation. Mais la découverte doit être attribuée aux astronomes amateurs. Et je suis sûr que Gilles en est très fier. Bravo. Une autre chose à dire simplement, c'est qu'il semblerait, moi j'ai lu ça une heure avant de venir ici, il semblerait que cet orage soit arrivé 10 ans trop tôt. C'est-à-dire qu'on dit que c'est saisonnier, oui, c'est... mais bizarrement, il est pas, de phase, il a quand même 10 ans d'avance. D'accord, c'est pas tous les 29 ans, c'est tout. C'est un peu plus compliqué que ça, d'accord. J'aimerais bien pour terminer quand même qu'on aille page 13, parce qu'on a pas mal parlé de Huygens, mais on n'a pas raconté la mission, ce que Huygens a vraiment découvert, ce qu'il a, quelles avancées il a permis de réaliser. Donc déjà, on a une mission assez périlleuse, avec en haut à gauche un parachute, un bouclier qu'il faut éjecter. Voilà, donc Huygens a été largué de Cassini le 25 décembre, le jour de Noël 2004. Et ça devait être un petit peu émouvant, non ? C'était très émouvant. J'étais au JPL pour le largage de Huygens et j'avoue que ça reste un moment très fort dans la mission parce qu'on se séparait vraiment de Cassini. Et donc, 3 semaines plus tard, Huygens est rentré dans l'atmosphère, a freiné avec son bouclier et un système de 3 parachutes. Un premier parachute qui devait enlever le capot arrière de bouclier et déployer le parachute principal, le grand parachute. Et comme l'a dit Francis, il fallait se débarrasser rapidement de ce grand parachute. Donc, au bout de 15 minutes, on a largué ce grand parachute et le petit parachute qui est illustré à droite a permis de descendre en moins de 2h30. Sinon, la descente de ce grand parachute aurait duré environ en effet 9-10 heures. Alors, Huygens a très bien fonctionné. Bon, on a eu un petit souci au niveau de la redondance radio, mais ça devient presque anecdotique dans la mesure où les données ont toutes été récupérées. La plus grande découverte de Huygens, c'est quand même pour moi le réseau de rivières. Le réseau du rivière que l'on a vu dans l'une des images de la caméra. En fait, il y avait 3 images qui avaient été recomposées pour bien montrer ce réseau de rivière. Et quand on a vu ça, on a vraiment été suffoqué. Alors, le réseau de rivière, on n'a pas l'image, mais il y a aussi cette image en haut à droite qui est l'image qui a été prise par la Huygens après l'atterrissage. Donc, Huygens était fixe, mais la caméra a regardé de côté et pendant plus d'une heure, Huygens prenait des images, je crois, toutes les 2 minutes, c'était programmé, et Huygens a pris 32 fois la même image. Dans une des images, on voit une goutte passer dans le champ de vue, une goutte de méthane. Donc il devait y avoir du méthane qui s'était condensé sur la sonde et qui, à un moment donné, est passé dans le champ de vue de la caméra, et l'image est assez sublime. Et donc, qu'a-t-on découvert ? Eh bien, Huygens nous a vraiment révélé un monde absolument fascinant, une surface qui ressemble à la Terre, qui ressemble à Mars sous certains aspects. Et un point important, il y a dans l'une des images prises à une certaine altitude de Titan, 2 dunes qui ont vraiment permis de recadrer, replacer dans le contexte global des images prises par Cassini, de recadrer, de replacer exactement le petit bout de terrain de Titan qui a été imagé par Huygens. Donc la collaboration entre Huygens et Cassini est, si je peux dire, illustrée par cette collaboration exceptionnelle au niveau des images et des images radar prises par Cassini, les images prises en infrarouge par Cassini et les images prises par Huygens. Et le tout a donné les superbes images globales de Titan que l'on a. Je ne sais pas si on en a une ici, mais il y a vraiment maintenant de superbes images de toute la surface de Titan. Et Huygens a permis de... Allez, je vais utiliser un mot un peu cru, mais de décoincer en quelque sorte les scientifiques. Une fois qu'on a vu les images de Titan, de surface de Titan, ont pu se lâcher en quelque sorte et rêver et vraiment nous montrer que la surface de Titan était exceptionnellement complexe, riche et intéressante. Donc on voit ce que vous pouvez commenter là, l'image en haut à droite. Là, c'est une vraie image prise. C'est une vraie image. Ce sont des galets. Par Huygens. Alors, en fait, Huygens atterrit dans un lac asséché, pas tout à fait asséché, puisqu'il y avait un peu de méthane qui s'est évaporé du fait que Huygens était chaud juste après l'atterrissage. Il y a un peu de méthane et peut-être d'éthane qui s'est évaporé. On a pu le déterminer, ça. On a pu le déterminer. Mais là, ce que l'on voit, donc, ce sont des galets de glace d'eau qui sont recouverts de cette matière organique qui tombe du ciel. Donc, et la consistance de ces galets de glace d'eau, c'est comme de la roche sur Terre. Ce sont des galets de glace d'eau sur Titan. Il fait moins 180 degrés. Et la matière entre les galets, c'est une matière sablonneuse, mais qui est de la matière organique qui est mélangée à des cristaux d'eau. Et ce paysage, résulte de l'activité fluviale qui a régné à un moment donné dans l'histoire de Titan, à la surface de Titan. Il y a une transposition complète si on compare la Terre à Titan. C'est-à-dire que tout ce qui est roche devient la glace d'eau sur Titan. Tout ce qui est sable devient matière organique sur Titan. Et tout ce qui est eau liquide devient méthane et éthane sur Titan. Donc on est complètement dans un monde beaucoup plus froid. Mais transposé comme ça, on a une météo. On a des lacs qui, curieusement, sont plutôt au pôle nord, plutôt à l'hémisphère nord, à la saison où on a observé Titan. Et on a observé des nuages, donc de la pluie, tu en as parlé. Donc il y a très probablement de la pluie, de méthane et d'éthane. Et si on avait attendu 15 ans de plus, on aurait vu probablement ces lacs se vider et se former plutôt pas, autour du pôle sud. Pas sûr. Il semble qu'il y ait une dichotomie beaucoup moins évidente entre le pôle l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors peut-être, c'est la première fois que j'entends ça, mais peut-être. Alors, mais non, mais je conteste pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a observé le transfert des nuages. Au niveau des nuages, du pôle sud vers le pôle nord, au niveau des nuages, on a observé Titan. Mais au niveau des lacs. Et d'ailleurs, le premier lac observé, il était au pôle sud. Absolument. Et ensuite, la grosse majorité des lacs, l'immense majorité de tous les lacs que vous connaissez sont autour du pôle nord. Dans l'hémisphère sud, il n'y a qu'un lac. Il y a un petit lac. Un petit lac. Rikiki, d'ailleurs, bizarrement, c'est le premier qui a été trouvé. Absolument. Alors, le 19 décembre, le mois prochain, on va se retrouver pour parler de localisation avec ce système européen qui, vous le savez, est en construction depuis pas mal d'années, mais qui maintenant est en train de voir le jour. On a vraiment maintenant la possibilité d'avoir des systèmes à la fois GPS et Galileo. En tout cas, ça arrive. Galileo est là. Donc, qu'est-ce que Galileo apporte? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment ce système a pu se déployer au cours des années? On va y revenir. C'est donc le 19 décembre, au cours du prochain Mardi de l'espace. Ce soir, mais bien sûr, Francis. Je fais juste une anecdote pour Galileo. La SNCF, avec le GPS, ne savait pas dans quel sens allait leur train, sur quelle voie il était. Avec Galileo, ils le savent. Ça change tout. Eh ouais, merci, ça change Galileo. Tout. On a... Maintenant, grâce à Galileo, quand on est sur l'autoroute, on va savoir si on va vers Lyon ou vers Paris. D'accord, très bien. Non, j'ai bien compris. On sait si on est sur la file de droite ou la file de gauche. D'accord, c'est ça qui est important. C'est ça, d'accord. On sait sur quelle file on est. D'accord, j'ai compris. Alors, ce soir, on a vu effectivement à quel point ce monde saturnien était absolument extraordinaire, avec ses motifs tout à fait étonnants dans les anneaux, les jets d'Encelade, dont on a dit à quel point ils étaient extraordinaires et étonnants. On se pose même la question, est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur Titan? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie même sur Encelade? Derrière tout cela, il y a une physique, une chimie tout à fait passionnante qui vont nous en apprendre énormément. Donc, je crois qu'effectivement, là, il faut y retourner. Il faut y retourner au moins pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a une phrase qui a été dite et redite ce soir, c'est « on ne sait pas ». On ne sait pas. À certains moments, on se posait la question. Et puis, il y a une autre raison extrêmement importante, c'est qu'il va falloir vous mettre d'accord, là. Jean-Pierre Le Breton et Francis Regard, excusez-moi, mais vous n'êtes pas phase-loqués, là. Hein, et voilà, il va falloir vous mettre l'un avec l'autre. C'est ça, le débat scientifique. Eh bien, bien sûr. C'est quand on n'est pas d'accord, on échange et on argumente et on se fout pas sur la gueule, non. Mais on argumente. Mais on discute. Et on arrive à un consensus. Mais voilà, on arrive à un consensus et pour ça, il faut y retourner. Francis, j'aimerais qu'on retourne vers les deux lunes, donc s'il te plaît, essaie de faire un effort. Merci à tous les deux. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.